Bonsoir, donc. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas content? Mais. Vous êtes content? Ça monte. Ok, ça vient dans votre boîte alors. Ouais, les gens sont devenus. Il ne faut pas que quelqu'un rate. En tout cas, écoutez les doutes. Si on ne vous a pas douté, il n'y a pas de problème. Si vous voulez douter, il n'y a pas de problème. Écoutez encore un peu. Écoutez un peu. Pourquoi vous allez écouter ça? Putain, bonsoir. Bonsoir. Et maintenant que je prends tous ceux qui sont en ligne là. Bonsoir du côté du Maroc. Bonsoir. Tu vois tout le monde par ici, n'est-ce pas? Oui, je le vois tous. Ok, donc permets-moi d'ajouter d'autres frères avant qu'on commence. Il ne faut pas qu'on rate là, n'est-ce pas? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci tout le monde, c'est bien. Ok. Ils sont où ceux-là? Tu as ta Bible avec toi, frère? Oui. Je l'ai. Ok. Bonsoir du côté de l'Allemagne. Bonsoir. Vous êtes 5 sur 5 à Douala au Cameroun. Bonsoir du côté du Canada. Oui. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous nous voyez? Bonsoir. Oui, très, très bien. Mais pourquoi on ne voit pas? Les autres, Carole est avec vous? Carole. Il faut la connecter. J'essaie de la joindre présentement, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai la joint là-bas, si elle est connectée, on va la voir. Mais quand je fais la même salée qui est là, Jobin. Non, les soeurs et les frères qui sont là-bas. Et ils sont muets, c'est comme ça qu'ils sont, habitués sur le Cameroun, ils sont comme ça comme les poupées. Bonsoir, frère. Non, ils sont pas muets. Ils quand tu as salué, ils ont répondu alors. Mais ils ont répondu avec la main, Carole est connectée. Ok, elle est connectée. Bon, je vais. Je crois que. Bonsoir la soeur Jackie. Bonsoir. Le frère Jobin du côté du Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là tous connectés. Question les jeunes Carole encore une fois de plus. Oui. Elle vient tout juste de se connecter. Non. Tu vas chercher quoi? Non. Toi, il y a quelqu'un du côté de Tokyo, je vais le prendre plutôt de ce côté. Je vais le prendre ici parce qu'il n'est pas sur Skype. D'accord. Non, je connais comment il fonctionne. Ah, donc tu te prépares déjà parce que c'est comment il fonctionne. Oui, je connais comment il fonctionne. Donc, d'abord, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Donc, ce sont des questions que tu prépares là, comme ça. Bon, je crois que je ne parle pas à joindre Carole là. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'ajoute pas à la conférence. Bon, écris-lui en off si elle est disponible, elle nous joint. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comme tu dis, tu me connais là, tu seras surpris que tu me connais, pardon. Et on commence d'abord, il y a des frères là, les vont donc plus, non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec nous? Vous avez nous là. On va prier. Donc, il y a le frère Steph, le frère Étienne en Allemagne de l'autre côté. Il y a le frère Joben au Maroc. Et Camille avec ma soeur Stéphanie. Allez, Dieu. Allez, Steph. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va prier. Recommandez-vous que vous-même au Seigneur, votre situation au Seigneur. Souvenez-vous, vous êtes sous son influence. Vous souvenez, jeudi dernier, vous êtes sous son influence. On va continuer dans cette lancée-là. Et puis on va prier. Soumettons-nous maintenant sous sa puissance, sous sa puissante main, pour être assisté par lui. Je crois que vous êtes serré là. Vous êtes serré. Je crois que vous êtes serré. Bon, tant mieux que tu laisses devant eux comme ça, comme le pape, comment hein, mon cher. Comment vous allez rester là? Viens à côté de moi. Voilà, comme ça vous soyez à l'aise. Vous êtes à l'aise. Toi, c'est, tu es sa femme, mon ami. Quitte là-bas. Laisse la femme de quelqu'un s'asseoir. Voilà. C'est bon, c'est bien pas vrai. Baissons la tête, remettons donc d'abord le Seigneur de nous avoir donné la grâce de nous réunir. Prions, prions, prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous accordes. Nous te sommes reconnaissants, Père de gloire, parce que c'est devant ta face que nous nous réunissons maintenant. Et nous nous attendons à toi, avec ce peuple. Seigneur, tu connais les besoins des uns et des autres. Et tu connais les besoins des secrets qui expriment le cœur de chaque personne ici. Tu connais les situations qui terrorisent les vies dans le cadre du budget, le challenge qu'ils font face aux yeux de gloire. Nous soumettons maintenant devant toi au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire que ta miséricorde descende jusqu'à quelqu'un. Je prie, Père de gloire, que tu diriges les pensées, le cœur et toutes les positions de notre Père de gloire, que tu les autres maintenant. Je te laisse soumettre entre tes mains, je soumets ma propre vie entre tes mains, mon cœur entre tes mains. Et je prie, Père de gloire, pour ces frères et ces soeurs qui sont dans le monde entier, pour tous ceux-là, Père de gloire, car tu connais tous leurs besoins. Et chacun de nous, nous avons des besoins, Père. C'est pour cela que nous sommes devant de toi pour te remercier de nous avoir accordé ce moment, ce moment, tout cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Vous êtes prêts pour la prière, n'est-ce pas? Veuillez vous asseoir, on va prier. Je crois que Carole, elle est connectée, c'est parce qu'il ne va pas. Désolé, il ne parvient pas à la connecter. Frère Jobin, comment tu as dormi? J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Oui. Ah, ok, là, encore. On va demander que. Oui. Et okay, le frère, la soeur Jackie, ça va? Tiens, j'ai mis. C'est pas la grande forme. C'est pas très bien. Maintenant, donc, comment les oscillations ont pris, vous tombez là-bas, qui va vous ramasser de ce côté-là? On va se ramasser. Mais le frère Jobin, tu es seul. Si tu tombes là dans ta chambre, tu vas faire comme ça. Qui va te prendre là-bas? Le Saint-Esprit. Ok. Ok, donc, je vous transmets la salutation d'un frère, c'est un Camerounais qui se trouve du côté de Tokyo, au Japon. Il s'appelle Yves Marcia Esso. Il a demandé, comme il y a décalage horaire, il a demandé qu'on prie pour lui et pour sa femme. Et avec, je crois que vous, on va prier en pensant, en priant, mais on va penser également à lui, d'accord? Mm-hmm. La Bible déclare qu'on prie les uns pour les autres. Et donc, Yves Marcia, on va prier pour toi. Dis-le, comment on dit en japonais que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse? Jésus-Christ, Anata Roche. Comment? Ok, bon, ça c'est le japonais. Yoko Shuki Toro, je peux te couper. Donc, vous attendez de l'autre côté là-bas? 5-8-5. Vous attendez, frère Joben, écoute comment on dit en japonais que vous avez été béni. Écoute. Yesu Christo ga anatao shikufukushite kudasai. Voilà. Donc, en traduction, non, oui, mais la traduction simple, ça veut dire en japonais que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, nous allons prier en priant. On va penser à lui dans la prière. D'accord, frère? Il y en a plein. Je crois que le moment vient. Il faut que chacun résolve son propre problème. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, comment peux-tu dire à ton voisin, que à ton prochain, que laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil alors que tu as la foudre dans ton propre œil? Il dit que hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc en réalité, vous ne pouvez pas venir aller prier pour quelqu'un alors que vous avez la même situation. Donc commençons par nous maintenant. Résolvons le les problèmes que nous avons. Quand on va résoudre le problème, maintenant on va avancer. Il va arriver le moment où on va s'arranger seulement pour prier pour ceux qui sont dans le monde. Il y en a plusieurs personnes qui ont des situations là. Il y a un autre là, j'ai oublié. Et il est dans une réunion. Jean-Marie Bergomo, c'est un ancien joueur qui a joué avec les Tatos qui est venu ici. Il est en ligne tout à l'heure, il a demandé de prier pour lui, pour l'oppression, parce qu'il ne dort pas bien. Il aurait souhaité également être là. Donc nous allons prier en pensant pour eux. Donc et alors, un jour, on va se réunir seulement ici. On cite des noms, on prend cas par cas, on prie pour eux. Mais avant, il faut que chacun se sente à l'aise. Nous sommes d'accord. Prenons la Bible. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le frère Camille a été pris maintenant à compte pied parce qu'il n'y a pas de questions qu'on va poser maintenant. N'est-ce pas, frère Camille? Oui. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la soeur Carole, elle est venue en retard. Je ne sais pas si Skype est configuré. On est 1, 2, 3, 4. La cinquième, il ne parvient pas à la joindre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai peur de bousculer ça et que par la suite, on ne parvient pas à vous joindre aussi. Ok. Donc, je ne sais pas si de ton côté, tu peux essayer de la joindre à la conférence. C'est possible? Elle n'arrive pas. Je sais que ça va joindre à la conférence. Peut-être que son ordinateur a attrapé le froid. Il fait froid là-bas. Non, elle n'arrive pas à se connecter. Elle dit qu'elle a lancé, mais on ne décolle pas. Non, ça ne sonne même pas déjà. On n'a pas entendu la sonnerie ici. Ok. Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous sommes dimanche aujourd'hui, jeudi. Avant qu'il y ait cette pression pour la radio, nous avons vu comment Dieu a dit tout est possible. Que s'il y a problème, s'il y a problème au niveau des problèmes, nous avons des problèmes. Ça ne parvient pas à sortir, le problème ne se trouve pas au niveau du Seigneur, c'est de notre côté. Parce qu'il dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, parce que rien lui est impossible. Tout est possible pour nous qui croyons. Donc ça veut dire que l'obstacle c'est entre nous et nous, pas entre nous et Dieu. Et dans la Bible dont nous avons vu, il a commencé à nous aider. Je crois que je ferai mes demain reculer là. Vous les voyez. Ah, comme ça, ce serait bon. Vous les voyez, n'est-ce pas? Alors dans la Bible, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 59, c'est ça que nous avons lu la dernière fois. Ésaïe chapitre 59, Dieu a dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui créent une barrière entre lui et nous. Donc nous commençons à comprendre que si Dieu, on n'a pas d'exaucement, on n'a pas de réponse, il se pourrait que nous ayons des problèmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous présente des choses, donc il peut faire cet obstacle-là. Il présente dans Ésaïe 59, donc, des choses qui peuvent faire obstacle. Nous avons également fait parcouru, j'en ai fait le résumé pour qu'on avance là maintenant. Nous avons parcouru le livre de Marc chapitre 11, verset 23 à 26, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas? Dans ce livre-là, le Seigneur Jésus-Christ maudit un figuier et ses disciples sont surpris. Et là, il les retort en disant que ayez le style de foi de Dieu. Si vous disiez, si vous avez la foi comme un grain de sémillon, vous direz à cette montagne ici, ôte-toi et place-toi dans la mer et cela nous sera fait. Mais il nous donne une injonction. Il dit, mais lorsque vous êtes dévot, vous voulez faire ce style de prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc il vient de dire là, mettre une relation claire entre l'exaucement de la prière et le pardon accordé. Il dit pardonner. Dans la prière qu'il a donnée à ses disciples dans le chapitre 6 de Matthieu, au partir du verset 15 jusqu'au verset 19, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Puis il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous avons convenu que, et c'est la Bible qui nous dit, que dès l'instant où tu refuses de pardonner, à cet instant, tous tes péchés te sont retenus. N'est-ce pas? Et nous avons achevé, je crois, avec la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 18, où nous avons vu à partir du verset 18 et puis suivant, nous avons vu c'est la parabole que le Seigneur Jésus nous a donnée par rapport à ces rois impitoyables. Par rapport au pardon, l'apôtre Pierre dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il a dit, ce serait 7 fois. Il dit, non. Il ne dit pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. Puis il donne l'exemple de quelqu'un qui a remis la dette de son frère, et son frère est sorti, voit un autre frère. Il n'a pas voulu remettre la dette. Alors on va donc dans la conscience humaine, dans la fonction, de la façon humaine de travailler. Il y a des gens qui ont les difficultés pour pardonner. Vous voyez, ils ont des difficultés pour pardonner. Et donc là, le Seigneur Jésus a pris cet exemple pour montrer que, et au verset 35 de ce livre dans le Matthieu chapitre 18, il a conclu en disant que c'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas et puis dit de tout votre cœur. Donc il attend le pardon de tout le cœur. Parce que Si vous pardonnez partiellement, Dieu vous pardonnera partiellement. Parce qu'il a un principe de la mesure où tu vas juger quelqu'un. On va te juger d'après la même mesure. Si vous pardonnez, vous dites que non, ici là, je te pardonne, mais jusqu'ici, je ne te pardonne pas. Là, il va te dire, ok, moi aussi, je te pardonne pour la fornication, le mensonge, si je ne te pardonne pas. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce mensonge-là devant lui? Parce que chaque péché retenu contre toi égale enfer. Je veux vous saisir parce qu'il n'y a pas un péché qui sera sanctifié devant de lui. Oh, quand Dieu lui pardonne, nous devons nous pardonner aussi de la même façon comme Christ nous a pardonné. C'est ce que Colossiens 3 nous dit, n'est-ce pas? Alors, de la même façon comme Christ nous a pardonné, c'est ainsi que nous devons pardonner. Comment est-ce que Christ nous a pardonné? Il nous a pardonné en nettoyant complètement et totalement notre péché, tous nos péchés sans exception, tracer et extirper toute la racine. Selon qu'il est écrit dans Michée au chapitre 7, le verset 19, où il a dit qu'il va enfouir nos péchés sous la mer, dans la mer de l'oubli. Donc là où, quand quelqu'un, l'ennemi va venir pour fouiller qu'il a péché, il va dire prouve. Il n'y aura pas de preuve. Mais si vous gardez quelqu'un dans votre cœur, vous refusez de pardonner, les péchés vous seront gardés également. Et là, maintenant, l'ennemi sera contre vous. Vous suivez l'histoire? Donc, pour qu'on puisse avancer dans la prière, il faut que les obstacles soient ôtés. C'est pour cela que nous avons prié, donc, pour ôter ces obstacles. Donc, si vous avez quelqu'un sur le cœur que vous avez refusé de pardonner, sachez que vous n'avez pas fait long feu. Vous ne pourrez pas marcher. Quel qu'en soit le cas, il n'y a pas quelqu'un qui sera fait, qui puisse te faire quoi que ce soit, que tu ne puisses pas pardonner. Et donc là, nous avons vu effectivement que si ces choses sont les conditions sont remplies, nous avons feuilleté le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 16. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a vu ça, n'est-ce pas, frère? Puis nous sommes revenus dans le chapitre 4, le verset 16 de ces mêmes Hébreux. On a vu que, avec donc, c'est un grand souverain sacrateur que nous avons comme ça, qui a aussi traversé les cieux, qui nous a inauguré, c'est le nom de la Jésus-Christ qui a traversé les cieux. On dit clairement dans ces livres-là, verset 14 et 15, qu'il a traversé les cieux, il a aussi subi les mêmes ignominies que nous dans la tentation, mais il n'a pas péché. Et donc, il peut compatir et comprendre notre faiblesse. On dit donc, approchons-nous donc du trône des grâces pour être secouru dans notre besoin. N'est-ce pas, frère? Alors, si les conditions sont réunies, tout ce qu'il peut faire avec nous, c'est que je vous ai dit, je n'ai pas de puissance pour par moi-même. J'espère seulement que ça va vous connecter à lui. Vous qui êtes dans le monde entier, avez-vous des situations qui vous tracassent, dont vous voulez que ça s'arrête? Les frères du Canada, vous appelez de l'Allemagne, du Maroc, là, vous avez des problèmes vous aussi? Vous avez des humains. Donc, par conséquent, les humains qui ont des problèmes aussi. Frère Jobin, tu as des problèmes aussi? Bien sûr, ça monte pas. Mais quand on est chez les Blancs, on a des problèmes. Donc, on ne sent pas des yeux. Mais on fuit. Les humains. Donc, on fuit ici pour aller chez les Blancs pour pouvoir. On fuit les problèmes, non? Non, c'est pas ça. C'est pas le genre de problème là. Donc, vous avez un autre problème, des problèmes là-bas? Oui. Donc, vous avez des problèmes blancs. Alors, continuons ce soir. Je vais vous placer, vous, sous son influence et on va prier. Il faut qu'on soit au même niveau parce qu'on a commencé, c'est qu'on a commencé, là on va prier. Le but de cette réunion, c'est particulièrement, c'est pour prier pour ôter tout obstacle qui crée des problèmes dans vos vies. C'est vous qui savez. Chacun connaît son propre problème. Donc, je vais vous placer sous cette influence-là afin qu'on puisse prier. Pour d'autres, ce sont les challenges des maladies. Pour d'autres, c'est le challenge de l'oppression. Pour l'autre, c'est la sorcellerie. L'autre, c'est... Oui, ça. Bon, de toute façon, Jean chapitre 14. Jean, le chapitre 14. Jean, le chapitre 14. Frère Joben. Oui. Ton cœur est dans la joie parce que tes vœux sont exaucés. Amen. Je le désirais depuis longtemps. Tu es désiré ça depuis longtemps. Oui, très même. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Donc, j'ai dit Jean, moi, j'ai pas encore ouvert là. Jean, chapitre 14, permettez-moi de lire. Jean, chapitre 14. Vous avez besoin de la Bible? Je vous en donne. Amen. Donc, si vous êtes aimé le jour, voyez, il y a votre version ici. Donc, vous êtes n'importe quoi. Il y a des versions. Si vous êtes catholique, on vous donne la version de temps. Vous êtes n'importe quoi. Bon, on va lire. Verset chapitre 14 de Jean. Comme nous avons la même Bible, c'est la page 1082. Vous y êtes? Ok. Jean chapitre 14, je vais les versets 13 et 14. Voici tout ce que je peux faire. Vérifiez que votre téléphone, si vous êtes en travail, que ça ne soit pas le même, qu'on commence à prier, ça vous déconcentre vous-même. Lorsqu'on est sous l'influence du Seigneur, je vais vous expliquer, après avoir lu ceci, je vais vous expliquer quelque chose. Comment se laisser influencer par le Seigneur. Lisons. Et tout ce que vous avez, moi, 14. Jean 14, il va lire les versets 13 et 14. Vous avez, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous avez vu, c'est écrit dans votre propre livre. Vous avez vu ça, frère. Quand vous lisez les tels passages, et que vous êtes croyant, que vous avez eu à prier plusieurs fois, il n'y a pas exaucement, vous n'avez pas encore vu Dieu influencer votre vie de façon directe lorsque vous demandez, vous allez croire que la Bible est fausse. Vous croyez que ce qui est écrit dans le livre, c'est faux. Mais pourtant, c'est Dieu. Or, maintenant, il n'y a pas une preuve physique palpable où vous allez aller toucher quelque part pour que Dieu se manifeste. Il confirme, il est derrière sa parole pour s'accomplir. C'est ce qu'il a dit qu'il est derrière la parole pour se pouvoir accomplir. Maintenant, comment faire pour que ce que je viens de lire là devant vous maintenant puisse se manifester? Il faut que vous soyez arrimé au style de foi de Dieu. Et le style de foi de Dieu n'est pas la foi en vous-même. N'essayez pas de faire confiance à vous-même que quand j'avais prié, ça ne marchera jamais. Le style, c'est ce que vous arrivez, vous entrez dans votre maison, il y a de l'obscurité. Lorsque l'électricien a fait cette ampoule-ci, il a placé les interrupteurs dans les positions, à l'entrée et à la sortie. Vous voulez aller là-bas, ce qu'il faut faire pour que la lumière s'allume, il n'y a pas deux façons. Il faut appuyer sur l'interrupteur. Donc, si vous sortez du village, on vous demande d'aller allumer la maison. Tu fais, tu crois qu'on allume comme au village là, tu fais fou. Ça ne s'allumera jamais. Parce que la norme veut qu'on appuie sur l'interrupteur et ça déclenche. D'accord, frère? Ce qui déclenche et enclenche ce processus-ci d'exaucement à la prière et que la parole marche pour vous, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux façons. C'est-à-dire, ce qu'il peut faire là maintenant, c'est uniquement pour amener votre foi à ce niveau-là. Comment on va faire pour la joindre celle-là maintenant? Jean 13. Jean chapitre 14. De quoi qu'on va prendre par ici? Ouais, allô? Ouais. On est en assemblée, reste tranquille, vois nous seulement, on continue, c'est Jean 14. On te voit, tu nous vois? Papa. On ne te voit pas d'abord pour commencer. Donc, on est dans Jean chapitre 14. Donc, je l'ai eu ici, on l'a déposé là. Je crois que c'est mieux que tu restes avec tes amis de l'autre côté là-bas. Voilà. Merci. Dis-le bonsoir à la soeur là. Dis-lui bonsoir. Bonjour, bonjour toute la famille. Bonjour l'église. Bonjour. Donc, tout ce qu'il peut faire là, c'est que vous placez seulement sous son influence. Souvenez-vous, je vais encore résumer pour vous saisir. Hébreux chapitre 11, verset 16 dit. Sans la foi, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ça veut dire que l'accès, ce n'est pas à la foi. Nous sommes d'accord. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit. Donc on doit croire. La main donc tendue à Dieu, le pont par lequel il faut marcher, ce n'est pas la foi. Et c'est donc quoi la foi donc? Ça veut dire que je crois que il est ce qu'il est, ce qu'il dit qu'il est. Il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Et là, il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire s'il remplit les conditions. Je m'abandonne entre ses mains. C'est tout ce qu'il faut faire. D'accord? Alors ici, le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset. La soeur Carole, comme tu as le problème là-bas au Canada, on te voit maintenant. Tu as le problème? On ne t'entend pas. Il demande si tu as le problème. Non, est-ce que tu. On a le prier, on veut prier pour les gens qui ont le problème. Si tu n'as pas le problème, tu nous observes seulement. Si tu as le problème. J'ai le problème. Même toi aussi. Oui. Donc vous voyez donc les problèmes sont d'ordre universel, pas vrai? Donc il n'y a personne sur la terre. Même là, ils sont là où il y a la neige, que ce soit glacé là-bas, ils ont le problème. Là maintenant, ils peuvent marcher dehors nu parce qu'ils ont le froid. Nous sommes ici comme ça, nous avons la chaleur. Donc ils ont le problème de chaleur, ils ont le problème de froid. Que Dieu vous bénisse de toutes façons. Donc, le verset 13 dit, et tout ce que, je veux que vous regardez dans votre Bible, on va lire, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous maintenant et de Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est converger notre cœur vers l'obéissance à sa parole, en acceptant ce qu'il a dit. Il a dit, et certaines choses que vous demanderez, je le ferai. Non, il a dit quoi, frère? Tout. Alors, ça veut dire que lorsque nous nous tenons maintenant et qu'il a dit tout, ça se pense qu'il n'y a rien que nous pouvons lui demander et qu'il ne le fait pas parce qu'il a dit tout, absolument tout. C'est donc pour cela que dans la première partie, là, la semaine dernière, on a dit tout est possible à celui qui croit. Il a dit tout. Donc, il n'y a absolument rien. Il a marché, les aveugles l'ont rencontré. Et qu'est-ce que tu veux? Il dit, toi, tu veux qu'il fasse quoi? Donc, c'est à toi de dire ce que toi tu veux. Il a dit, je veux voir. Il dit que ça soit fait selon ta foi. Mais si vous comprenez, mais on dit quelque chose maintenant d'après les Écritures. Il arrive dans le moment où Dieu veut exercer sa puissance. Il passe outre ton incrédulité, il agit. Il arrive des moments où Dieu veut exercer sa souveraineté, sa puissance, passe outre ton incrédulité et il agit. Je prends un exemple. Quand il trouve quelqu'un qui, comme Lazare par exemple, il était mort attaché là-bas dans la grotte. Lazare avait la foi pour sortir de la mort. Est-ce que Lazare avait la foi pour sortir de la mort? Donc vous attendez à ce que quelqu'un qui est couché, qui est quoi, mort, vous dites la mort, quoi, monsieur le mort, une foi en Dieu, hein? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui peut te ressusciter? Non. Ici, Dieu ne lui demande pas. Dieu lui a permis comme ça d'entrer dans la mort pour se manifester à quelqu'un plutôt. C'est la foi de cette personne qu'il a de lui demander. Donc il cherche quelque chose dehors avec la mort de cette personne-ci. Ouais, ce n'est pas. Quand il va ressusciter Lazare, plusieurs personnes qui étaient venues là-bas qui visent la crue. Donc c'était eux qui étaient la cible, pas Lazare. Lazare était seulement le moyen pour pouvoir les amener à la foi. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Dieu peut passer outre notre considération, notre foi, pour pouvoir pour exercer sa puissance dans notre vie. Alors il trouve, il touche le cercueil de du fils de cette veuve de Naïn. Il dit, jeune homme, lève-toi. Vous n'avez pas exigé à quelqu'un qui est dans le combat que, comme je dis, la croix que tu vas me sortir de là, parce que la personne est inerte. Mais lorsque vous entendez, il y a quelqu'un qui croit que chez frère Jobel, dès que vous voulez parler, fermez votre micro pour que ça n'influence pas. Donc vous voulez parler, fermez le micro. Alors, lorsque vous êtes avec toute votre faculté, vous êtes à toute votre faculté, que la parole vous a adressé, vous devez ajouter foi à la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la différence entre ceux qui sont conscients et ceux qui ne sont pas conscients. Vous n'allez pas demander à un fou que croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que la puissance du Saint-Esprit vienne subjuguer la puissance de la folie qui se trouve là-bas et l'ôter de là. Pour que la personne retrouve ses raisons. Parce qu'il est captivé et enchaîné. Et sa propre volonté ne peut pas être exercée. Mais lorsque vous avez votre propre volonté exercée, ici il faut la puissance du Saint-Esprit pour venir traverser. Et là, vous devez ajouter foi à la parole du Seigneur. Vous êtes suivi, frère? Parce qu'ici, il dit que et tout ce que vous demanderez. Donc, on se situe que, parce que quelqu'un qui a des problèmes, des situations qui le dérangent, il va devoir demander. Donc, la personne, c'est conscient. Le fou, ou bien le quoi, quelqu'un qui est décédé, ne peut pas appliquer ces versets-ci. Parce qu'il doit rester à la mode du Seigneur. Tu as dit à ta parole que si je décède, il te dit, demande pardon, que tu vas me résister. Tu ne peux pas faire cela. Nous sommes d'accord, frère? Maintenant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit, je le ferai. Qui a promis sa frère? Il dit deux choses l'une. Soit cette parole est vraie, soit elle est fausse. Puisque c'est sorti de la bouche de celui qui est la vérité, il ne peut pas mentir. Alors, ça veut dire que nous devons exercer et éprouver cette parole-ci. D'accord? Maintenant, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il précise encore, je le ferai. N'est-ce pas deux promesses, deux versets bien collés? C'est pas ça, frère? Alors, vous croyez à cette parole-ci? Ne dis pas amen pour me révéler que vous croyez que je vais faire quelque chose, que ça marche pour vous. Non. Je dis, est-ce que vous parvenez à quoi? Il n'y a pas dit, ne parle pas les réflexes pentecôtistes, n'essayez pas de bouger la tête. Si vous ne parvenez pas à quoi, restez sur place, dit Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est tout ce que vous pouvez faire. D'accord? Alors, tout ce que vous, il a dit bien de là, dit tout ce que vous demanderez. Alors, dans Jean, dans Luc au chapitre 10, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, il promet et rien ne pourra vous nuire. Il a dit ça, frère. Maintenant, quand la souris passe vroom, à la maison, tu envoies le feu partout, tu as peur, tu ne peux plus dormir. Quand la souris, le chat te regarde comme ça, vroom, tu as la chair de poule. Tu te dis, si on dort aussi, le chat se transformer. La peur. Et elle a dit, tu marcheras sur la puissance de l'ennemi. Alors la question c'est, quand le Seigneur Jésus dit ces choses, pourquoi nous ne parvenons pas à exercer? Vous voyez, vous qui êtes sorti dans différents milieux, vous allez voir effectivement que, on dit, quand tu vois quelque chose, une situation ou un rêve, lève-toi, prends autorité. Ça n'existe pas dans la parole. Vous ne pouvez pas prendre autorité sur un esprit, sur un événement. Vous n'avez pas de pouvoir. Je vais expliquer ça avant d'avancer. ou quand tu te lèves, tu dis que j'ai pas autorité sur le démon, j'ai pas autorité sur le démon, et là, il finit, il te regarde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on a mal enseigné tout simplement. On ne peut pas voir un bandit, vous êtes policier, vous ferez un fusil. Il dit que je suis policier. Bandit, je suis policier. Bandit, je suis policier. Comme c'est exactement ce que vous faites en priant, c'est ce que vous faites. C'est une source de policier, c'est comme ça que vous ferez. Donc quand tu vois le bandit, tu mets l'arme, tu dis je suis policier. Voici l'arme à te mettre. Tu vois le bandit, tu fermes les yeux, passer côté, tu dis bandit, sache que je suis policier. Sache que je suis policier. C'est comme ça qu'on fait, frère. Qu'est-ce que le policier lui fait? Il dit vous êtes en état d'arrestation, tu dis bouge. Bah, là, il est en train d'exercer l'autorité. Et ici, ne fais pas laisser garçons de courage que sache qu'il a été monté, on avait mis le garde sur mon dieu, mon galon. On a dit que je suis officier de police. On a dit que sache que je suis officier de police, que j'étais, je prends mon double en vertu de l'autorité qui me sont confiées. Et je crois que c'est le bandit qui va t'attraper, pauvre frère. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font poser. Parce qu'on dit bien, ce n'est pas vous le problème, c'est les pasteurs qui sont le problème. Il dit que ma soeur, lève-toi, prends autorité. Tu prends autorité comment? Comment tu prends autorité? On exerce l'autorité. On exerce, on ne prend pas. L'autorité est donnée. Les versets que nous avons cités là donnent autorité aux chrétiens. Il dit, voici, je vous ai regardé. Ouvrez Luc là, Luc chapitre 10 là, le verset 19. Que Dieu vous bénisse. La version anglaise là. Je vais choisir. Prends. Où est-ce que je domine maman? Je vous êtes dans Luc chapitre 10. La soeur Carole. C'est sur l'ordinateur, mon cher. Oui, mon père. Que le soir était béni. Il pensait qu'il te voit parce que j'ai comme besoin de ton pronom, ça t'a calé. Vous avez vu sa position, non? La position de cette soeur-ci sur l'écran, c'est la position de quelqu'un qui a vraiment des problèmes. Elle est dépassée par les événements. Vous voyez, la main est à la joue, comme ça. Quand vous voyez quelqu'un épouser la joue de quelqu'un épouser sa main, surtout les femmes. Donc, si je dis bonsoir, ma soeur, elle va d'abord faire tu up, pour dire que c'est fort sur elle, n'est-ce pas? Courage, ma soeur. Enlève ta main sur ta joue. Tu arrêtes tes deux, ta Bible. Remarquez, regardez votre Bible. Regardez votre Bible. C'est le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. C'est le livre de Luc, chapitre 10. Verset 19. Allons tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y. 1, 2, 3, ensemble, au même moment. 1, 2, 3, Luc, chapitre 10. Verset 19 seulement. Allons-y, 1, 2, 3. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur tout bien comme ça, c'est béni, et rien ne pourra vous nuire. Qui a parlé? Le Seigneur. Il a donné le pouvoir à qui? Aux hommes. Bon, maintenant. Maintenant, la personne, l'homme à qui il a donné le pouvoir, rencontre le problème dont on a vu donné le pouvoir d'exercer. Il dit que je prends le pouvoir. Je prends le pouvoir. Je prends le pouvoir. Or, il a reçu déjà le pouvoir. Il a reçu, il dit, voici, je vous ai donné. Il a déjà donné. Donc, quand tu rencontres, il faut exercer. On exerce donc l'autorité. D'accord? On ne prend pas autorité. Donc, vous allez apprendre à exercer l'autorité. Alors, vous allez entendre, donc, si vous lisez bien votre Bible, lorsque les disciples, Jésus-Christ va quitter la scène, lorsque les disciples vont rencontrer n'importe quel obstacle, ils ne disent pas que c'est Jésus-Christ. S'il te plaît, aidez-nous, sinon nous sommes finis ici. Non. Il va commencer un à un pour que vous allez voir. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Pierre allait avec Jean, dans Actes chapitre 3, à l'heure de la prière, ils ont rencontré un paralytique qui était couché là-bas. Jean et Pierre sont restés debout, le regardant. La Bible dit quand il fixait, pensant à voir quelque chose, il a dit, regarde-nous. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Vous avez cela? Il dit, c'est qu'il a. Il a dit, c'est qu'il a. Donc, il a cela. Il dit, je te donne. Pierre n'a pas dit que, attendez, pas prier. Comme le pasteur dit, quand vous allez voir un pasteur, il dit, attends, il va me préparer. Donc, c'est parce qu'il vit dans l'iniquité. Les chrétiens doivent être comme des soldats qui sont toujours prêts à un éventuel appel. Alors, le pasteur peut dire, je m'en vais prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Non. Lorsque vous êtes dans la situation de guerre, la personne vient au devant de vous, vous devez exercer. Alors, il se tient là-bas, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous avez vu que il a dit, je prends autorité sur ta maladie, non? Vous bavardez comme ça, vous allez me bavarder. Il faut exercer, il faut commander. Est-ce que vous savez que les tumeurs cancéreuses ont des oreilles? Vous savez ça? Non. Qui ne sait pas? Comment tu fais pour ne pas savoir? Je ne sais pas. Savez-vous que la fièvre a les oreilles? Vous savez que la fièvre a les oreilles? Si vous ne connaissez pas, vous montrez les écritures, tout simplement. Si on me pose des questions pour savoir, parce qu'il ne faut pas qu'on soit allé parler, aller en rang dispersé, vous ne comprenez pas ce que je me dis. La Bible déclare, si vous lisez votre livre de Luc et Marc, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a quitté, lorsqu'il a fini de guérir à Capernaum, il a quitté, allé chez Pierre, chez la belle-mère de Pierre. Vous avez vu ça dans votre Bible. Il a trouvé sa belle-mère comment? Il avait quoi? Elle avait quoi? La fièvre. On dit qu'il a fait quoi la fièvre? Il a menacé. Il a menacé. Et la fièvre a fait quoi? À quelle heure? À cette heure. Donc la fièvre a entendu qu'ici il faut qu'il quitte. Donc la fièvre a les oreilles. Mais le problème, c'est que vous avez les oreilles des médecins, les oreilles des scientifiques et les oreilles de votre situation. Donc on dit, comment tu vas, frère? Le frère porte là, on sait même quand il fait chaud, il porte le robe, il met ses deux mains comme ça entre ses jambes. Il dit, c'est comment que, c'est que j'ai le palu. C'est ce qu'il sait, parce qu'il sait qu'il a le palu. La belle mère qui était comme ça, alité. Mais quand jusqu'à la dernière, sors de... Mais c'est pas normal que tu dis à quelqu'un, à quelque chose qui est inaide de sortir. Si tu dis, je te commande de sortir, ça se passe que la chose a une écoutée, c'est ce que tu as lui dit. Et le palu l'a quitté, la fièvre l'a quitté à cet instant. C'est pas ça. Elle s'est levée, elle a servi. Dans le livre de Luc au chapitre 13, si vous lisez votre livre, la Luc au chapitre 13, la Bible fait état là d'une femme qui était dans la maison, dans la synagogue, depuis 18 ans comme ça, courbée. Elle avait une grosse chose là. Vous savez, vous voyez les gens avec une boîte là. Grosse ici. Vous voyez quelqu'un qui marche, elle a le gros boîte. Vous savez, boîte, c'est ça? Le boîte. Son cou est gros comme ça. D'autres ont les grosses ici. Elle marchait comme ça là, on dit depuis 18 ans. 18 ans, en analyse humaine, c'était une handicapée. Elle avait une malformation dorsale. On pouvait dire, non, c'est où est quelqu'un, où est les êtres humains sur la tête, vous demandez comment celui-ci fait, où est quelqu'un marche comme ça, sa tête n'est pas derrière. Vous dites, c'est quel genre d'être humain ici? Vous voyez, d'autres comme ça, vous voyez, peut-être c'est un sorcier. Non, c'est pas cela, c'est Satan. Jésus s'est tourné là-bas, et c'est le jour du sabbat. Il a dit, femme, tu es délivrée de tes infirmités. Vous voyez ce que j'ai déjà fait? Il n'a pas dit, je prends autorité, père, donne-moi l'autorité pour que je tue ces infirmités. Non. Il a dit, femme, tu es, malgré que la femme était comme ça, il dit, femme, tu es délivré de tes infirmités. Quand il a fini, il dit, tu es délivré de tes infirmités, il s'est avancé, la Bible déclare qu'il a mis la main sur lui. Quand il a mis la main sur lui, elle s'est redressée. Alors la question c'est, qu'est-ce qui était dans ces choses-là qui le couvrait? Quand les juifs ont essayé de faire le combat avec lui, il a dit, et cette femme qui était aussi une fille d'Abraham, que Satan a tenu captif, oublié, enchaîné pendant 18 ans. Donc c'était Satan qui était derrière cela. C'est pour cela qu'ils sont dit que ces choses-là ont les oreilles. Ça veut dire que si une maladie est de l'ordre spirituel, Luc chapitre 10, verset 19, doit s'exercer. Écoutez très attentivement, n'allez pas me prendre la parole. Si une maladie est de l'ordre spirituel, ce n'est que spirituellement que ça peut se résoudre. Amen. Vous pouvez avoir le palu et vous prenez des médicaments comme de l'aspirine, comment vous appelez cela, et ça part parce que c'est d'ordre naturel. Vous pouvez avoir une maladie sur vous que c'est la constipation qui a causé. Vous résolvez le problème de la constipation, la maladie quitte automatiquement parce que le corps est comme un ensemble de moteurs qui doit fonctionner, hein, les uns en fonction de l'autre. Si l'un est bloqué, ça injecte les autres. Mais il y a des maladies qui sont d'ordre physiologique, ou vrai physiologiquement, mais derrière se trouvent les esprits. Là, il faut avancer avec le discernement des esprits. Donc il y a le palu qui est naturel, il y a le palu qui est spirituel. Donc c'est causé par les esprits. Alors ici, il faut parler à l'esprit qui est derrière le palu. Quand l'esprit sort, le palu quitte. Vous suivez, frère? Amen. Je vais donner l'exemple. J'ai un ami ici, maintenant, il est magistrat ici en ville. L'année où il a composé, je vous ai souvent raconté cela, composé, qui s'appelait le concours de l'ENAM. Il avait déposé le dossier pour le composer. Généralement, on compose ça lundi. Il devait voyager samedi pour aller. Il dit, on était en plein dehors comme ça, quand j'étais à mes secs là-bas. Subitement, un palu l'a pris comme ça, la personne connaissait, la sueur coulait partout sur lui. Il était là, il faisait comme ça, là, il allait se coucher. Porter les chaussettes comme ça, comme les gens de la Sibérie. Je suis resté tranquille, mais normalement, comme je prêchais là-bas, il se moquait de moi chaque fois. Donc, ils aimaient dire, oh mon prophète, oh, après, c'est vache. Quand il me tourne, je parle, il commence à dire que le gars s'est dirigé avec l'évangile. Donc, ce qui fait qu'il me connaissait. Alors, c'est l'un de ses frères qui est venu me voir par derrière. Vous savez, la miséricorde de Dieu. Il a dit, frère Junior, on sait que tu es serviteur de Dieu et on sait que tu peux faire quelque chose pour lui. Où est-ce qu'il en est? Que va faire quelque chose pour lui? Parce qu'il a déposé le concours, il ne peut pas le passer. C'est sa dernière année. S'il ne le fait plus, il ne peut plus faire un colloque du concours. Vous voyez la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous allez dans la chambre, c'est lui le premier moqueur. C'est lui le premier moqueur. J'ai dit, est-ce que tu crois que tu peux sortir d'ici là maintenant? L'autre aussi, même moi, ayant prié, ça m'a dépassé. Il dit, le résultat m'a dépassé. Parce qu'à l'instant où j'ai mis la main sur lui comme ça, en loignant Dieu, lorsque j'ai enlevé la main sur lui, la sueur coulait sur lui comme si on avait versé de l'eau. Il s'est levé d'abord comme ça, avec un ouf de soulagement. Il allait se laver, et instantanément, il a pris le bus, il a la Yaoundé. Il était premier de la promotion. Amen. Il est là. un de ces jours sera ici au milieu, il va vous dire cela. Donc, malgré n'importe quoi, malgré ce qu'il dit n'importe quoi, quand chaque fois qu'il va dans son bureau, quand il rentre dans son bureau, chaque fois il dit que voici ta Bible, il m'a donné. Donc, ne dis pas que j'ai éloigné de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce style de maladie-ci était attaqué. Et je vais dire l'origine. C'est depuis son village qu'on a attaqué parce qu'on ne voulait pas que dans sa famille, que quelque chose en sorte. Maintenant, s'il restait là comme ça, il écoutait plutôt la fièvre qui était sur lui. On devait finir de composer. La composition dont il était question. Dès qu'on devait venir composer, la maladie elle devait finir. On n'avait pas dit non, j'avais un parler qui m'a bloqué, je ne suis pas allé composer. Mais sachant pas que c'est un esprit qui est derrière. Mais par l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on a commandé. Toi, quitte-le maintenant. À cet instant-là, il a quitté. Quand l'esprit est parti, il s'est senti à l'aise parce qu'il était oppressé. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il y a des maladies donc, qui sont causées par les esprits. Et là, il faut commander à l'esprit de quitter. On ne dit pas que j'exerce. Si tu mets la main sur quelqu'un, comme maintenant, ici, si le sang, s'il y a des problèmes, je dis que toi, sang, si tu prends autorité sur toi, tu portes dessus sur le sang, comment tu as de l'énergie ou quoi? Tu parles. D'accord, frère? Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent dans cette chapitre 3 sur les cités, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et mange. Écoutez, quand Pierre a dit ça, le monsieur s'attendait, dit que j'attends l'argent ici. Le monsieur, s'il veut quoi avec lève-toi et mange. Et puis, quand il regardait Pierre, il me dit, qu'est-ce qu'il raconte? La Pierre a tapé sa main, que tu ne veux pas, que tu veux, tu vas être guéri. Il a tiré de bourse, ses pieds sont sortis. Il avait fait plus de presque 40 ans sans marcher. Donc, il est né comme ça. Et on le tire, il commence à marcher subitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me suivez, frère? Mm-hmm. L'apôtre Pierre, Paul était quelque part dans chapitre 20, il allait prêcher comme ça. Il a prêché jusqu'à. Il a dit, comment on dit les juniors prêcher Dieu? Il y avait un jeune homme qui allait monter comme ça, il dormait, faisant que Pierre, tu te portes, tu diras. Après, il s'est subi là-bas, bam, il est tombé, mort. Il a continué à prêcher. Après, il est sorti, il avait mis la main, il a dit que non, ne vous inquiétez pas, son âme est encore en lui. Il l'a ramené dans la ville, il a continué à prêcher. Je vais vous montrer. Dans chapitre 9 et chapitre 10, dans le chapitre 9, particulièrement, il y avait un homme, une femme qu'on appelle Dorcas, Tabitha. Elle était, la Bible déclare qu'elle était, elle faisait de bonnes œuvres. Elle est tombée malade parmi les disciples. Elle est morte. On l'a lavée, on l'a mis à la chambre haute. On dit, comme je peux, n'était pas loin de là. On a envoyé les disciples, on a appelé Pierre qu'il vient. Pierre est venu. Normalement, ce n'est pas normal. Il dit normalement, ce n'est pas normal qu'un être humain meure. On peut appeler un prédicateur. Un prédicateur, ce n'est pas un coq mort. N'est-ce pas, frère? Il dit, on l'a lavé, on est allé enterrer. On a plutôt allé appeler Pierre. Pierre, tu veux enterrer les morts? Non. On l'a appelé. Il est venu. C'est d'abord un défi pour un pasteur d'entrer dans une chambre de mort. Tu appelles un pasteur que va, le mort est là-bas. Il va dire, ah, c'est garde du corps que viendront pas ensemble. Parce que si le mort se réveille, là, il faut que toi vous bloquez. Pierre a fait sortir tout le monde. Lui, il est resté seul à seul avec ce cadavre. La Bible déclare qu'il s'est tourné. Il s'est mis à genoux. On n'a jamais écrit dans la Bible ce qu'il disait avec Dieu. Il s'est mis à genoux, il a prié. Il a prié, il s'est baissé. Frère, quand il s'est tourné, il a dit, Tabitha, lève-toi. Ouvrez la Bible. Ouvrez. Ils sont vous amener seulement à ce niveau de la foi. Une bonne ordre. Vous avez moi. Ouvrez. Acte des apôtres, chapitre 9. Acte des apôtres, chapitre 9. Donc, la vie chrétienne devient lourde lorsqu'on n'exerce pas l'autorité que Christ nous a donnée. Par conséquent, les chrétiens dorment, ils sont oppressés. Un chrétien dort, il est appuyé. Je vous ai raconté l'histoire où il y a deux moments, une famille qui sortit d'Ithéa. J'étais ici, j'étais couché, c'est là, donc je dormais. La nuit, je dormais. L'esprit est sorti de la chambre comme ça. Ça marchait comme ça, avec autorité, une puissance des eaux terrible. Elle était très grande de taille. C'est ici, elle s'est tenue. J'étais ici. L'esprit, non, ce jour-là, normalement, je me couche ici. Cette nuit-là, je suis allé à la chambre, comme mes enfants avaient dormi, on m'a bousculé du lit, j'ai fui, je suis venu, je me suis couché plutôt là. Donc, normalement, quand je suis ici, je dors ici, le frère Haché dort ici. Donc, ce jour-là, le frère Haché a dormi là, j'ai dormi là. Ça veut même les esprits sont dans la confusion. Je l'ai vu, j'étais tenu là-bas, c'était vers 4 heures, je suis tenu là, pas que, c'est pas la qualité que tu dors. La personne s'est tenue là-bas, le rideau bougeait, tout bougeait dans la maison aussi, il s'est tenu là, tout le monde dormait dans la maison. Alors il est venu, avec le capuche noir là, s'est tenu debout. Mais la direction était sur le frère Haché, parce qu'il savait que je dors souvent ici. Vous voyez cela? Il était debout comme ça, courroucé, oppressant. Et entre temps, le frère Haché était en train de voir cette même vision, mais lui dormait. Il voyait ça dans la vision, comment il y a un esprit qui veut l'oppresser. J'étais là, la voyant devant moi, droit. Elle était là, regarde comme ça, dans cette c'est comme qui me dérange ici. Il s'est pas été arraché. À l'instant, j'ai envoyé la main sur le frère, je l'ai touché pour le protéger. C'est tourné vers moi. Alors là, il a commencé à parler. Il parle sans ouvrir la bouche comme je suis en ouvrir là. Il est debout, il te fixe comme ça. Mais tu es en train d'entendre ce qu'il a de dire. Moi, je n'ouvre pas la bouche. Je suis en train de parler. Il entend ce que je suis en train de dire. Il dit, ne touche pas à la femme laquelle elle m'appartient. Il dit que tu as mal barré, tu as fait comment pour entrer d'abord dans ma mère, maison. Tu vas sentir de qui il est question ici. Amen. Parce qu'il ne veut pas qu'on délivre cette femme-là. Après le matin, quand ils se sont assis là-bas, on était assis ici. J'ai dit, ok, je vais vous dire ce que j'ai vu cette nuit. J'ai vu une famille décrite. Il a dit, oui, je connais la personne. Mais on croyait qu'on avait déjà chassé parce qu'un prêtre était venu. Je dois le mettre. Il n'est pas parti. Vous ne pouvez pas être chez eux pour le chasser. Ce n'est pas possible. Regardez, la Bible dit, quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il faut que la puissance de résurrection vienne du Seigneur Jésus. La puissance de la guérison vienne du Seigneur Jésus. Si vous passez par autre moyen, on va vous échanger le mot de tête contre le mot de bas-ventre. Vous ne pourrez jamais guérir de la bonne façon. Vous allez quelque part autre, en dehors de la source divine qui vient du Seigneur Jésus. Vous obtenez n'importe quel résultat, c'est en fonction des autres choses que vous avez obtenues. Donc on vous a fait un échange. Alors, maintenant, c'est encore mieux. Après, approchez-vous du 9. On va prier. Gardez-vous à l'esprit Jean chapitre 14, verset 13 et 14, comme on a lu. C'est la base là, parce que là on va aller. Actes chapitre 9. Vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 36, vous allez voir. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. La personne est malade, on n'appelle pas pour que quand il meurt, on appelle qu'il vienne sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Dans la chambre haute, toutes les veuves l'entouraient en pleurant. C'est tout ce que les femmes peuvent faire là-bas. Et lui montrait les tissus tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était venue. Pierre, regarde, voici le reste de mes vêtements, on n'a pas tout cousu, il va faire comment ici. Oh, elle faisait bon livre, c'est elle qui m'a donné la nourriture, elle a grandi pour rien. Voilà ce que nous a Pierre. Ce sont les disciples, hein. Vous parlez de Bible. Verset 40, Pierre fit sortir quoi? Tout le monde. Se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, je prends autorité sur toi. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Il a dit ça? Hein? Non. Il dit, Tabitha, lève-toi! Quand il dit ça, la mort comprend que celui-ci a la domination sur moi. Mais rien n'a pas fait ça tant qu'il n'est pas allé dans la volonté parfaite de Dieu pour savoir ce qu'il en est. Il dit, Tabitha, lève-toi! La Bible déclare, elle ouvrit les yeux. C'est un défi ici. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main. Et la fille levée. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta qu'elle ne pleurait plus, voilà, vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crut au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'elle meure. Voilà pourquoi, parce qu'il y avait le cœur qui devait être touché. Pierre n'était pas là. Amen. On la connaît, elle est morte, on l'a déposée, tout le monde a vu. Tabitha, lève-toi. Pierre ne croyait pas que quoi, donnez votre vie à Jésus. N'allez plus en boîte de nuit. Il fait faire une ça. Quand tu vois la qualité là, que j'ai vu comme elle est morte. Elle est ressuscité. Vous devez croire à ce Dieu que celui-ci prêche. Amen. On va prier maintenant. Vous êtes d'accord? Amen. Vous connaissez votre situation. Celle-ci, là, maintenant, elle est venue avec des enfants. Maintenant, si tu crois, si les enfants vont pleurer, on va croire que c'est la vivante, que les enfants sont en train de les voir, alors que c'est le mec qui pleure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand je peux prendre la maintenant. Alors, là, vous, dans le monde entier, vous êtes prêts? Oui. Amen. Je n'ai pas demandé que vous me numériez vos problèmes parce que je ne veux pas avoir vos problèmes. On a dit qu'on décharge sur lui, on n'a pas de décharge sur le frère Junior. Je vous aide seulement à. On a demandé lui pour décharger cela. Et ici, décharger, je ne veux pas dire maintenant que Seigneur, tu connais ma maladie. Tu connais comment je me souffre. Pitié de moi, c'est soit Seigneur. Vous ne verrez pas de ce style de prière que les chrétiens font aujourd'hui, là, les prières. Ouais, parce qu'on est quitté de l'endroit, on dit souvent que. Aide-nous pour prêcher, comment on dit souvent cela, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, car à toi appartient, comment vous appelez ces choses-là, regarde-moi les bêtises qu'on enseigne aux gens, Jésus dit, vous êtes de mes pouvoirs, dit que pauvres pécheurs, d'accord, vous devez prier comme des disciples, d'accord, on va prier comme des disciples, ce style de prière, c'est ce que vous avez vu là tout à l'heure dans la parole, parce qu'il n'y a pas deux façons, vous devez ordonner à ce que vous savez comme problème de quitter. C'est ce qu'il en est. C'est là où on voulait arriver. Parce qu'on a lu dans Marc chapitre 11 que si quelqu'un dit à cette montagne que oh, toi et jette-toi dans la main et qui croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Selon ce qu'il a dit, pas vrai? Donc on a dit que qui va ordonner frère, le prédicateur? Qui? Jamais. Qui connaît son propre problème? Vous connaissez votre problème, n'est-ce pas? Oui. Ok, vous connaissez votre problème. Donc on va prier maintenant. C'est à vous maintenant entre les mains. On y va. Déposez dans les vies. Fermez, vous pouvez mettre le sang, mettez le sac. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas de problème, alors vous allez nous servir. De temps en temps, vous restez tranquille. Si le vent tombe, c'est vous qui arrêtez. Ça sert aussi bien comme ça, pas vrai? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, et il y a des gens qui ont des problèmes. Si vous savez que vous avez un problème, levez-vous et commandez. Si vous savez que vous n'avez pas de problème, restez tranquille et voyez comment les gens commandent. Vous savez quand les policiers défient, les gens sont de recevoir. Bon. Le sang a des problèmes. Le sang a des problèmes. Le taux monte, le taux descend. Déjà avec toi. Il dit que le taux monte, le taux descend. Ça, c'est le sang qui a des problèmes. D'accord. Maintenant, on va ordonner. La dernière fois, je t'ai fait entrer en disant qu'il y avait une ombre sur toi. Quand la. Toi, tu es venu deux. J'ai dit, toi, tu es dehors, parce qu'il y a un gras sur toi. Regarde, l'ombre est sur toi. Donc, c'est le sang qui est le problème. Donc, ça monte, ça descend. Là, maintenant, on a l'autorité dans le nom de Jésus. On a l'autorité dans le nom de Jésus pour commander à ces choses de partir. Au nom de Jésus. Quand c'est dénoncé, c'est terminé. Allez parler maintenant, parler. Vous connaissez donc les problèmes. Votre problème peut être spirituel. Souvenez-vous de ceci. Je ne vais pas entendre ici que ma grand-mère qui est sorcière était sous le nom de Jésus. Il n'y a pas de telles choses, d'accord? Ne faites pas cela. Vous connaissez le problème, je ne parle des problèmes qui vous dérangent. Appelez le problème et commandez à tout esprit qui existe ces problèmes-là d'arrêter son expression. Et c'est pour que vous sortez ici, c'est à la maison que vous commencez à voir que quelqu'un vient devant vous, mais qu'est-ce que tu me veux? Parce que vous avez touché la personne. C'est ça, la Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair. Mais c'est contre l'esprit. Maintenant, allons-y, on y va. Commandez, vous connaissez votre problème. Commandez, si c'est la maladie, commandez à cette maladie de quitter votre vie et observez cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu soutiennes la foi de ma soeur. Je prie que tu soutiennes la foi de ma soeur, que tu soutiennes la foi de mon frère. Je prie au Père de gloire que tu touches quelqu'un maintenant. Que tu le touches maintenant. Commande. Laisse-le à supplier. Laisse-le à commander. Commander. Toute situation qui a perduré, qui a duré pour longtemps et qui n'a pas été ordonnée par le Seigneur, que l'ennemi a ordonné. Commandez au nom de Jésus. Cet esprit-là de qui ça te lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de sortir de ce monde. Je te commande de sortir de ce monde. Commandez votre puissance négative qui agit sur votre vie de cité. Commandez les invités pour que vous vous Nom de Jésus pour Nazareth. Je commande à tout esprit d'extérité de quitter vos îles. Nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit démoniaque qui exerce sa puissance dans vos vies maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Je commande au nom de Jésus de Nazareth, Satan de te défaire dans la ville de peuple maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte la ville maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte la ville maintenant. Toi, je te défie qui habite son ventre. Je te défie de quitter son ventre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et toi qui habite dans son corps, au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son ventre. Toi, sors de son ventre. Lâche-la là maintenant, lâche-la. Lâche-la, ça c'est le poison. C'est le poison qui a mis en toi. Sors-le maintenant, sors-le, sors-le. Toi, sors-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, priez, priez, priez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, remets-moi tout ça, remets tout ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de sortir de ma vie. Je te commande de sortir de ma vie. Je te commande de sortir de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit caché de l'esprit caché, toute puissance de stérilité dans ton corps, au nom de Jésus de Nazareth, je commande d'éviter toute puissance de stérilité, au nom de Jésus de Nazareth, lâche-la, lâche-la, lâche-la, sors de son ventre, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors d'elle maintenant! Sors d'elle maintenant! Toute puissance derrière la stérilité, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, quitte son ventre! Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth, soisons des nuits, couche des nuits. Ta puissance est brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche-la maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout plein de l'église, tout esprit de chèque, tout esprit de notre Dieu. Au Maroc maintenant, frère Jobin, le Seigneur veut qu'il prie pour toi. Je veux ton accord maintenant. Je veux ton accord. Tends-moi ta main, tends-moi ta main, tends-moi ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne maintenant de quitter son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors d'elle maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche-la maintenant. Sors. Sors. Toi, esprit qui nous oppresse. Je te rends le sortir. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Quel que soit la porte que tu caches. Quel que soit la porte que tu caches. Amen. Amen. Permettez-moi d'arrimer votre voix. Je veux seulement votre amen, d'accord? Amen. Mettez la main sur votre ventre, vous tous. Les poisons de nuit, les couches de nuit que vous avez eues, c'est moi qui vais ordonner. Mettez la main, mettez la main, mettez la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit qui oppressait ces enfants du Seigneur, je te défie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant, sors, sors, sors, sors. Regarde ça, regarde, il y a là, regarde, regarde, regarde ici. Regarde là, regarde. Sors, sors, sors. Sors. Vous voyez ça? Sors, sors. Vous voyez ça, ça, avec ça, maintenant vous allez vous dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, c'est pas terminé là, c'est pas terminé. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le maintenant. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ta vie. Toute substance. Toute substance dans ton corps qui n'est pas de Dieu, qui est infectée par une puissance satanique. J'ordonne maintenant que ça sorte au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Toute substance dans ton corps, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Promets tout. Toi du Maroc, permets-moi de mettre la main sur ta tête maintenant. Voilà, ma main a touché ta tête. Lâche-le maintenant, lâche-le, lâche-le, lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et t'ordonne de quitter son cerveau. Quitte son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, vomis tout, toute substance, dans ton corps. Qui le fait au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quitte-le maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vomis tout ça, vomis tout ça. Vomis tout ça. Et t'arrache de son corps. Sors. Sors. Tout, tout. Tu n'as plus l'habitude de la bonne affaire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors de son corps. Sors, sors de son corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous avez assez oppressé les enfants du Seigneur comme ça, ils doivent vivre dans la paix, dans la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance qui orchestre les couches de nuit dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ici, il faut que les cas soient les plus graves ici, là. Sors! Sors! Sors! Où est ça? Sors! Lâche-la maintenant, lâche-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la. Au nom de Jésus-Christ. Vous dormez, vous mangez, vous dites que vous avez bien de l'indolé dans la vie. C'est le poison. Sors! Sors d'elle! Sors d'elle! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la! Hé! Hey, sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la. Toute substance dans ton sang, toute maladie dans ton sang, quel que soit son nom, diabète, cancer, ulcère, n'importe quoi que tu veux nommer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne sa destruction maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic donné à l'hôpital, au nom de Jésus-Christ, toute douleur, la Bible déclare que Jésus allait à des lieux, allait guérir toute douleur, toute maladie. Oui. Au nom de Jésus, quel que soit son nom, je t'ordonne au nom de Jésus. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Quitte-la maintenant, quitte-la, quitte-la, quitte-la. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son dos, quitte son dos, quitte son dos, quitte son dos, tu ne vas plus la vie plus dans son dos, quitte son dos, quitte son dos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce style de poison, vous allez remarquer, dans sa promotion, il y aura du sang, viens comme ça, tiens, mon cher, dans sa, voilà, qu'est-ce qu'il a dit là, vous avez vu, n'est-ce pas, ça c'est du sang, ça, donc c'est du poison, c'est du poison qui tue à petit feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison dans ton système, que ce soit dans le sang et dans la nourriture que tu as mangé, consciemment ou inconsciemment, et qui empoisonne ton système, tue ta vie et ta mère en captivité. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne les sorties maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous expérimentez les couches de nuit. Ce sont ces choses qui donnent des poisons et qui empêchent, amènent la stérilité. Donc si vous êtes une femme, on vous couche chaque fois, on dépasse le sémen dans vos ventres. Ça, c'est la stérilité qu'on a mis à injecter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui habite ton ventre, pour te pousser à la stérilité, je commande les sorties maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quel que soit le nom qu'on te nomme, au nom de Jésus, je me place ici en tant que serviteur de Dieu vivant, je t'ordonne de quitter le corps. Amen. Au nom de Jésus qui n'a sorti. Sors. On lui dit que le jour où on ne parle au Seigneur, tu es délivré. Sors. Vomis tout ce qu'on est. Sors. Tu n'habites plus son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sors. Mettez seulement vos mains sur vos babas et laissez-moi prier. La grâce est disponible pour vous. La grâce est disponible pour vous. Amen. Que les entrailles qui n'enfantent pas s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les entrailles qui n'enfantent pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Père, je demande en ton nom que tu ouvres ces entrailles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettez seulement la main. Tout ce que vous avez à faire, c'est amen et croyez-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Toute douleur dans vos vies qui ne vient pas de Dieu, je les ordonne maintenant d'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, tout ce que vous dans ton système. Tout poison dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. C'est terminé. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous saurez que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Sors! Sors! Sors! Quitte ton ventre, quitte ton corps, quitte ton corps. Quitte ton corps, c'est ta fin maintenant. Oh, c'est ta fin, c'est ta fin. C'est ta fin. Sors maintenant, tu lâches ta vie, tu ne toucheras plus jamais à sa vie. Sors! Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Promis, promis-moi tout ça. Promis tout ça. Sors maintenant, sors, sors, sors. Oh, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Tu as raté, ta baptême est terminée. Son corps est restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Son nom est puissant. Amen. Sors! Tant que les souffrances ne sortent pas de votre système, je ne vous laisse pas aujourd'hui. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Promis tout, tout, tout, tout, tout, tout! Promis tout, tout! Au nom de Jésus de Nazareth! Amen! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Promis tout, tout, tout, tout, tout! Au nom de Jésus! Lâche-la, lâche-la, lâche-la! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth, que tes entrailles s'ouvrent, madame, que ça s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le nom qu'on nomme, que ce soit fibrokyste, j'ordonne les destructions au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit ce qui est dans ton sang, que ce soit le sida, le VIH, quel n'importe quel type, le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne ta destruction. J'ordonne ta destruction. Sors d'elle maintenant, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, promis tout, tout, tout. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors, sors, promis tout, promis tout, promis tout, tout, tout, vous n'habiterez plus dans l'œuvre, c'est terminé, terminé, sors, sors, sors d'elle, sors d'elle, sors, promis tout. Promis tout. Quitte tes entrailles. Quitte. Quitte tes entrailles. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est dans votre système. Toute puissance satanique qui est exercée dans votre système. Sortez tout, tout, sortez de ces gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quitte ton baba maintenant, toi. Le docteur, quitte ton baba. Quitte ton baba. Sors. Sors. Maintenant. Oh mon Dieu. Miséricorde de Dieu. C'est une grâce de Dieu pour que sa puissance vienne et te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de toi, toi, avance, avance, avance, avance, avance. Tiens-toi ici. Oui. Mets la main là où tu as mis la main. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance dans vos vies. Qui est une puissance contraire à l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commande. Sors. Amen. Sors. Amen. Sors. Amen. Sors. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance d'infertilité. Toute puissance qui dominait vos vies dans quelque domaine que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de quitter la vie de ce peuple. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que tu touches tes enfants, ceux qui se trouvent au Canada, ceux qui se trouvent en Allemagne, pour tous ceux-là, non, qui nous écoutent maintenant. Mettez tout simplement vos mains, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, sa puissance est disponible. Mettez juste vos mains sur votre ventre, tout simplement, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa provenance. La grâce est disponible pour briser son origine maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sors de l'esprit. Tout poison. Tout poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quitte son corps. Amen. Quitte son corps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Vous me c'est tout. Tout. Toi, esprit des ténèbres. Toi, esprit des ténèbres qui règne dans la vie de ses enfants, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta fin maintenant. Amen. C'est ta fin maintenant. Amen. Sors. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie. Toute puissance des ténèbres qui règne dans vos vies, au nom de Jésus-Christ, quitte sa vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-t-elle maintenant. Sors-t-elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Tu ne peux pas rester dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne cette destruction. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son corps. Nom de Jésus. Sors. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commande à tout ce qui fait fluctuer ton sang et ta glycémie de s'arrêter maintenant. Et que tout ton sang soit restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Assieds-toi. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, madame, tu es libre. Lève-toi, lève-toi. Tu es libre. Assieds-toi, t'assois là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sors. Amen. Sors. Sors. Sors. Sors. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Impuissant de Jésus. Vous ne pouvez pas marcher avec ce genre de choses. Vous allez vous marcher. Vous chantez pour Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors d'elle maintenant. Oh mon Dieu. Sors. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que l'ennemi avait brisé dans ta vie, que ça soit restauré maintenant. Amen. Par tout qui était défectueux, que ça soit dans ton corps, amen, dans ta famille, que ça soit restauré maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi tout cela. Pasteur Carole, je suis avec toi maintenant. Je suis avec toi maintenant. Sans délivrance parfaite, il n'y aura pas de bonne communion avec le Seigneur. Je peux prier. Père, ta main droite manifeste ta puissance. Et devant toi, il y a point de distance. Je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui oppressais cette sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la quitter maintenant. De la quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vers toi que ce vent se dirige maintenant. C'est vers toi que ce vent se dirige maintenant. C'est vers toi que ça se dirige maintenant, ma chère soeur. C'est vers toi qu'il se dirige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui te couvre maintenant. Qui te couvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, regardez ce vent qui se dirige vers cette sœur-ci. Waouh! Père, elle est entre tes mains. Qui te touche maintenant alors que tu te trouves dans ta maison? Qui te touche maintenant? La même ancienne qui se trouve ici se trouve là-bas. Qui te touche maintenant? Qui te touche maintenant? Qui te touche maintenant? Oh mon Dieu, c'est fort là maintenant. C'est fort là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta main est puissante et ton bras est étendu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ah. Regarde-moi, regarde-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lourdeur sur le cœur, ce poids lourd sur le cœur, qu'il enlève maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, regarde là. Il faut que cette chose qu'il a, ça quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Quitte le corps de cette jeune fille. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin, je t'ordonne de quitter son corps maintenant. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Ton boulot est aux yeux, madame. Tu fais le mieux t'asseoir là-bas. Tu n'as pas dormi du coup. Hey, quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son corps. Toi, tu as traversé un poison qui est destiné à quelqu'un. Toi, tu as traversé un poison dans le marché qui n'est pas destiné à toi. Tu as traversé. Et regarde, ça en train de traiter là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Vous voulez sortir les matins, allez passer n'importe quoi à l'autre sans prier, demandez au Dieu de marcher devant vous. Toi, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Lâche la main, c'est ta femme, c'est ta femme. Qui est là maintenant? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-moi ta main sur ta côte là. Mets-moi ta main sur ta côte là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Et il est vivant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu, tu fais quoi? Sors! Sors bien maintenant! Je vais vous montrer. C'est bon de l'écouter là. Toute puissance qui habite ton corps et que Dieu n'a pas commandé, c'est un étranger. Et si vous faites alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans son camp, c'est anormal qu'une puissance étrangère habite votre corps parce que vous appartenez au Seigneur Jésus. Amen. La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas être en même temps le temple du Saint-Esprit et l'habitation des démons. Donc ça veut dire que quelqu'un doit faire place au Saint-Esprit. Et c'est en vertu de cela que je me tiens ici, en tant que serviteur de Dieu vivant, pour ordonner maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout esprit qui se trouve dans ton corps, qui influence ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter ta vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quel que soit le nom qu'on nomme, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que ça s'arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, Sors! Il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai regardé quelqu'un qui c'est le crachat ici là. Mais finissons ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Qui est là maintenant? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va madame, va t'asseoir. Tu es libre, maintenant fais attention, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va influencer sur tes règles. Ceci influence sur tes règles. Ce qui est sorti là. Sauf, tu es anglophone. Tu comprends le français là? Tu as suivi ce qu'il a dit? Vous entendez ce qu'elle dit? Non. Tu te menstrues. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en dis alors? C'est vrai. Ok, assieds-toi, c'est bon. C'est réglé. Ah, sors. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne qui a une agir comme ça. Et vous, vous faites des choses avec. Sors! Sors! Donc cette vieille personne est arrivée à la fin de son séjour sur la terre. Et il cherche où elle va mettre son totem et à qui va léguer sa puissance. Voilà, là, voilà ça qui habite là-bas. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! C'est terminé. Quitte là-bas, je reviens sur toi. Sors maintenant. Sors d'elle. Lève-toi maintenant, lève-toi. Sors d'elle. Sors d'elle. Terminé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, toute puissance, si vous êtes ici, dans cette salle, et vous m'écoutez maintenant, actuellement, vous vous dites enfant de Dieu. Et que quelque chose se trouve en vous que Jésus-Christ, mon Seigneur, n'a pas ordonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça quitte. Amen. Tout ce qui existe dans ta vie, que ce soit stérilité, maladie, et que ça ne vienne pas selon l'ordre de Dieu, et pour faire la volonté de Dieu, j'ordonne que ça sorte au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Poison de nuit. Couche de nuit. Nourriture nocturne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Amen! Amen! Ça, ça, c'est une sorcière ici. Ah! Oh, tabala samanista! Oh, si, bien, yamana! Ça, c'est le renfort, donc elle a demandé de elle, elle exige des renforts. Elle, elle appelle ses puissances, elle dit que ses puissances sont hausses, où elle hausse sa puissance. C'est terminé, terminé. La Bible déclare que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Amen. Dès que tu auras fini, maintenant tu quittes son corps. Toute puissance, dans ce lieu, et vous qui êtes sous l'influence, quelle que soit la provenance de votre situation, si ce n'est pas ordonné par Dieu, je me tiens en tant que serviteur de Dieu vivant, j'ordonne que ça sorte. Amen. C'est terminé. Sors. Quitte son corps. Oh, Oshiba. Et pense que si tu veux faire des navettes comme ça, tu vas aller des navettes, des navettes à navettes. Donc patience là, devant. Patience. Et bien, faut qu'on découpe ça. Faut qu'on découpe ça. Sors! Sors! Sors! Là! Là! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment vous pouvez marcher avec ce lien de choses dans vos ventres? Comment au juste? Et comment vous dormez dans la nuit du Seigneur? Je te remercie pour cette journée ici. Et vous dormez avec les démons. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Jésus. Oui, ça. Merci. Merci. Merci. Lâche son corps, lâche, quitte ses entrailles. C'est terrible. Satan, je te défie, toi et ta corps, de quitter le peuple du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez, et également là, il y a le sang. Quitte son corps. Oui, c'est terrible. Ne prenez pas la Bible, lire, prier et dormir sans que vous soyez délivrés. Soyez délivrés. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lâche-la maintenant. Sors. Ces gens, si vous commencez à prier comme ça, vous laissez, même si c'est une goutte qui reste dans son ventre, ça va encore amener le renfort. Il faut que ça sorte totalement de ce système. Donc, vous êtes, comme vous voyez, dans Actes chapitre 2, quand les gens avaient reçu ça, ils avaient saoulé là. Voilà ça là maintenant. Donc, là maintenant, c'est la bagarre de cette question qui a les films, vous appelez le scanner, vous voyez dans les films, ça fait c'est ça qui se passe là comme ça. Il vous a dit qu'il est placé sous son influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sors, mon Dieu, te donne. Sors. Sors de ses entrailles. Sors de ses entrailles. Sors de ses entrailles. Sors. Sors. Tout ça, comme ça, il faut qu'elle sorte ça. Avec son ventre, tu es son mari, donc tu parles de son ventre. Voilà. Vous voyez ça? Sors! Sors! Sors! Au Canada, fermez le micro! Sors! Canada, ferme le micro, avant que les gens qui nous persécutent, là, vous nous persécutez aussi. Sors! Merci. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Vomis toutes tes substances. Tout! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez servir Dieu étant libre, n'est-ce pas? Amen. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Il ne m'adresse pas à vous. Ceux à qui cette voix sont destinées entendent. Écoutez bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux à qui c'est destiné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré cette nuit. Tout ce qui a laissé de là, c'est ce que Dieu m'a montré cette nuit. C'est pour ça que c'est organisé ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ici que ça se passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien cette voix qui a l'air de parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix va terroriser toute puissance qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui vous laissait toujours en colère, dans l'amertume, les animosités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Si quelqu'un peut seulement être sous l'influence de cette prière, si maintenant, si quelqu'un peut seulement être sous l'influence de cette prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vois, donc c'est que ce qui est là-bas, ça t'a touché, ça t'a contaminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te visite maintenant, ma chère soeur. Que te couvre. Il y a une autre personne ici aussi qui est saoulée de ce Saint-Esprit-là. Ah, ma chère Carole, que Dieu te bénisse. Alors qu'il te nettoie. Qu'il te nettoie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La distance n'est pas une barrière pour lui. Mon frère du Maroc, comment ta partie gauche du corps, comment tu te ressens là? Ta partie gauche de ton corps. Depuis la tête jusqu'en bas, comment tu ressens? Je sens juste quelque chose comme si c'est un vent autour de ma tête et en même temps c'est comme si c'est de l'électricité qui fait bouger ma tête sans que j'ai le contrôle. Absolument. Maintenant, lève tout simplement la main dans l'air comme si tu se lèves la main pour dire je me soumets. D'accord frère, et reste tranquille. J'ai dit la distance n'est pas une barrière avec le Seigneur. La distance, le même être qui se tient dans cette maison, si vous faites quelque chose, se tient dans chacun de vous là maintenant. Ne soyez pas seulement déconcentré. Le même être qui se tient ici se tient chez vous. Il ne s'agit pas de moi. Il n'a rien à voir avec moi. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Je suis seulement son serviteur. Donc, c'est à lui d'agir. Regardez cette femme-ci là maintenant. Regardez-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde celui-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce vent qui souffle dans chacune de vos maisons vous touche individuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cher, que ce vent qui tourne autour de toi te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. La distance n'est pas de Jésus. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Le même être. Le même Dieu. Seigneur, touche son corps. Touche son corps. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Il t'appartient. Attention, mon cher ami, parce que ça va bander là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le même être qui est ici se trouve là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si seulement il pouvait disparaître pour être chez vous pour vous montrer ces choses-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette voix sera reconnue par les êtres que ça doit chasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hey! Quitte autour de lui maintenant. Quitte autour de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'elle mette ses pieds là-dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous parlez de programmer la prière. Comment programmer une prière dans ce cas? Vous dites qu'on va commencer à 20h, finir à 21h. On ne peut pas là maintenant. Vous voyez, parce que tant que sa puissance est là, et sa grâce est disponible, on ne peut pas quitter. Il est laissé là-bas. Regardez celui-ci, regardez celui-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se passe au Maroc là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix est reconnue par les autorités spirituelles qui doivent dégager toute oppression. Toute oppression. Cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a les mains transformées, là, tu ferais mieux de mettre la main sur ta femme et que ta femme met la main sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pas demander que tu l'embrasses. Hé, mets la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Impose-lui les mains, mon cher. Impose-lui les mains. Et que ces choses vous parcourent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Jacques, tu ris, c'est ton mari, mais c'est pas le moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous saurez en cette année que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que les obstacles soient brisés dans Amen. Vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les foyers qui étaient dans le dinan soient restaurés. Amen. Souvenez-vous, toutes les larmes que vous avez versées dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu se souvient de vos larmes. Tu me gardes. Voilà. C'est fort dans le rêve là. Donc c'est entre eux maintenant. Donc ça choque celui-ci. Vous allez me tuer ce fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es. Hein? Oh, de tu es. Maman, tu es. Maman, tu es. Maman, tu es. Maman, tu es. Maman, tu es. Maman, tu es. Ma tête. Ah. Non, mais Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose. Ouais, ouais. Vous achetez les habits, il y a les panthères dessus des habits. Ouais, le dragon, ça a influencé ce garçon-ci. C'est ce que vous voyez là maintenant. Donc ce qui est en train de mousser dans son cœur là maintenant, c'est. Vous savez ce qu'on appelle la rage. Si quelqu'un se fâche, s'il prend n'importe quel bâton, il te fait du mal avant de tu parles de mon et ceci, ça vient de. Ouais, allez, maman. Allez, maman. Tu vas donner mon flanc, lève la main. Pardon, ça joue! Non, Nazareth! Ok! Observez, je veux que vous observez cela. Ouais. Non, Jésus-Christ de Nazareth! Ouais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Oh. C'est juste ce qu'il dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai un problème avec toi maintenant? C'est terrible. Ouais, ok! C'est terrible. Laisse ta tête là comme ça! Ouais! Oh! Ouais. Je n'ai pas d'or, j'ai déjà compris, je ne suis plus là dedans. Mets la main sur lui. Ouais. Il ne peut pas travailler tout ça seulement. Ouais. Mets seulement la main comme ça, d'accord? Mets seulement la main. Ouais. Ouais, c'est bon, je sais. Ouais. Lève la main, lève la main. Ouais. Quand son camarade de classe a dit que il faut que ce soit équipé en premier, n'est-ce pas? Parce que je suis même là. Ouais. Oh. Je n'ai pas là. C'est fort ce soir, c'est la merde. Maintenant, lâche-la doucement. Doucement. C'est pas encore fini. Continue. Elle fait comme ça, pourquoi on se concentre pas sur elle? Au nom de Jésus-Christ, allez, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tiens la case de l'épée, ne tu le corps. Au nom de Jésus Nazareth, lâche-la dedans. Doucement. Lâche-la dedans, elle va s'allonger. Quand elle va tousser une fois, tu vas la mettre seulement comme ça. Bon, maintenant, entre toi maintenant et toi, on fait comment? Tu veux la mettre tranquille. Dis-lui quand elle va tousser une fois, ramène-la comme ça. Sinon, ça va l'étouffer. Maintenant, ça va, elle va seulement tousser, mais c'est le reste qui va sortir. C'est terminé. Terminé. Vieille dame, qu'est-ce qu'on fait? On te laisse encore là-dedans pour un peu de temps. Hein? C'est ta maison, hein? Qu'est-ce que tu veux faire dans sa vie? l'homme qui a toutes tes dents dans la bouche. Et Dieu a tellement fait des jokes. Tu parles maintenant. Je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-le. Il a vraiment besoin de délivrance. Tu l'as infesté, n'est-ce pas? Vraiment bloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as voulu les détruire. C'est toi qui vas d'abord être délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui maintenant. Sors de lui. Il sort des prix pour toi en même temps, d'accord? Non, mais Jésus, non! Jésus, c'est qui? Voici notre enseignement. Ne pensez pas que quand vous priez, un démon ne va prononcer le nom de Jésus parce qu'ils le connaissent. Mal et mauvais. Vous avez vu ça? Si ça reste dans son corps, elle ne peut pas s'en sortir. Il dit, fais attention, quand elle va toucher, ramène-la. Sinon, ça va l'étouffer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il faut le Saint-Esprit pour aller dans le corps de quelqu'un, retirer ces choses-ci. Vous allez avoir des douleurs, vous allez vous faire des diagnostics à l'examen, vous faites de la radio, le médecin regarde, vous avez mal, mais il ne trouve rien. Mais là, il faut le Saint-Esprit d'aller le prendre spirituellement, parce que vous sentez la douleur physiquement. Ramenez dans le physique pour faire sortir ça de vous. D'accord, frère? Vous me suivez? Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! J'ai déjà sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Tu as de le blâmer. S'il arrête, il attrape ta main là-bas, c'est le bas des faits qu'on va utiliser pour arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sans ces choses-ci, on ne peut pas servir le Seigneur dans la liberté. Vous allez lire la Bible, réciter, ça ne doit rien vous faire. Ça n'aura pas d'effet sur vous. Mais il a dit dans Jean 14, vous demandez n'importe quoi en son nom, il le fera. Amen. Moi, ce que je demande, c'est votre délivrance. C'est votre communion avec lui. Amen. Que votre situation change, que vous soyez restauré avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a aucune puissance en moi, mais je peux seulement vous connecter à lui de la bonne façon. Amen. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Venez apporter un verre d'eau, cette femme-ci. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, même chose qu'elle se passe dans son corps, c'est pas dans son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est terminé ici là-dedans. Oui. Oh, maintenant vous finissez là de chanter, après vous buvez la bouillie, vous parlez, il est sous l'influence du Saint-Esprit. Il vous est placé sous l'influence du Saint-Esprit. Il y a certains d'entre vous qui allez sortir ici, c'est pour vous va commencer, là pour vous commence. Ne lui donne pas encore. C'est quand vous allez sortir ici que pour vous va commencer. Vous allez à la maison, pour d'autres c'est au cabinet, vous allez vous rendre compte. D'autres c'est par les évocations. Là, observez là, vous avez vu ça? Vous voyez? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu la façon différente, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ceci, physiquement, vous l'attaquez, quand la chose va prendre le contrôle de son corps, quand il t'attrape comme ça le cou, tes yeux vont sortir. Mais on va dire que s'il fait du mal, on va dire que telle personne a fait du mal à une autre personne. Si la police vient, il n'y a pas de preuve spirituelle. Parce que c'est lui qui a commis la chose. Mais c'est un esprit qui est derrière lui. C'est pour ça que j'ai des amis policiers qui travaillent là ici. Ils m'avaient dit que, j'ai dit, vous faites quoi la nuit au juste? Ils disent qu'ils avaient les bandits. Ils disent pour les amener où? C'est ici que l'État devait travailler avec les chrétiens, les couverts. C'est vrai qu'aussi qu'il y a des faux et autres là mélangés. La solution, ce n'est pas d'aller embrigader les gens dans la prison. Parce que même quand on a le gaz présidentiel, la période appelée la grâce présidentielle, c'est la période où là, il y a recrudescence encore de banditisme et de meurtres, de ces choses-là. Parce que quand ils sortent, ils ne veulent plus la même chose, le même esprit est là. Donc quand on lui fait grâce comme ça, il croit qu'il a la liberté, puisqu'il est habitué là-dedans. Donc la solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est de chasser l'esprit qui pousse la personne à faire. Alors si vous chassez l'esprit qui pousse la personne à faire, alors qu'est-ce qui va se passer? La personne, vous mettez l'argent à côté de la personne, il regarde l'argent, il ne peut pas prendre. Parce que c'est quelque chose qui le pousse à aller chercher. C'est ça que tu as mis dans ta maison, même ta propre femme à la maison, c'est pas du cas de l'argent, il va prendre celui qui avait gardé. Parce qu'il y a un esprit avec lui. Beaucoup d'entre eux travaillent avec les puissances. Ils vont chez les marabouts. Pourquoi ils donnent l'opportunité de détecter l'argent, même si on cache n'importe où? Quand ils vous voient en route comme ça, c'est pour ça qu'ils peuvent venir vous agresser. Vous n'avez pas l'argent, ne vous agresse pas. Quand vous avez l'argent, on vous suit. Vous dites comment il a pour savoir qu'il y a de l'argent? Ils ont quelque chose qui travaille, le magnétisme avec de l'argent. Quand vous avez l'argent, on sait que vous avez l'argent. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas? Regardez ce que ça discute ici. Regardez. Amen. Vous devez craindre le Seigneur Jésus. Amen. Vous devez craindre le Seigneur Jésus. Quand il dit, vous devez prier de cette façon-ci. Et qu'il nous ordonne la chose et qu'il vienne manifester, vous devez le craindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez là, ça. Si on commence là-bas, ça risque de nous entraîner jusqu'à 5 heures du matin. Il y a une autre façon de faire sortir celui-ci. Vous allez vous casser le ventilateur, mon ordinateur est parti chez vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terrible. Lâche-le maintenant. Et vous maintenant, même si vous n'avez pas le discernement des esprits, lorsque celui-ci va quitter, lorsqu'il va quitter, vous-même vous saurez. Parce que ce sera physiquement. Vous allez savoir ça physiquement. Observez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vous attaquer comme ça, ils te donnent un coup comme ça, tu crois que c'est le camion qui t'a cogné. Alors c'est expliqué à l'intérieur de lui. Ils te donnent un coup, tu crois que tu le regardes comme ça là. Tu crois que c'est le camion qui t'a cogné. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, regardez maintenant. Sors de lui. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, il y a une façon pour faire sortir celui-ci. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Maintenant, enlève la main sur lui, mon cher. Enlève la main sur lui. Laisse-le moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le! Sors! Sors! Observez ça, observez. C'est ta femme maintenant, quitte ta vie! Quitte ta vie! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Même celle-là fuit parce que c'est dangereux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Celui-ci! Pour aller le confronter, vous devez manger 4 fois le nom de Jésus. Mangez parce que ça entre dans vos entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui à elle-même et moi. Elle arrête d'angle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas où là, mon frère? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Ça ne la laisse pas là-bas, toi tu donnes un but, voilà sa maison. Non, non de Jésus de Nazareth! Il t'a fait maintenant. Quitte-le. Quitte-le! Quitte-le! Quitte-le! Tu n'as plus l'oppressé. Quitte-le maintenant, lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ta vie maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Tu ne peux pas résister. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez le voir, non? Au nom de Jésus de Nazareth. Donc si Jésus ne vous envoie pas, vous allez vous rendre ce genre d'esprit en le chassant, restez à la porte. S'il fait comme ça, il vous regarde, fendez-le directement. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc avant de confronter ce genre d'esprit, vous devez savoir qui est sur vous. Et ange. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le maintenant. Quitte-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, c'est comme ça. Il y a un fil attaché, ça le tire. Donc, c'est la bagarre là-dedans. Sors! Sors! Vous parlez de servir Dieu dans l'obscurité. Au nom de Jésus de Nazareth! Tu vois le but? Au nom de Jésus de Nazareth! Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche-le. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Les gens sont en train de regarder, disent c'est quoi? C'est pas là-bas, ça se passe mieux. Vous voyez? Au nom de Jésus-Christ Nazareth! On est ensemble là, les étrangers là. Oui. Vous avez fui les démons dans le pays, même là-bas ça ne vous laisse pas, il y a les démons des blancs là-bas. Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Guide-le maintenant. Guide-le maintenant. Guide-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc achetez les têtes des dragons. Achetez le Dragon Ball là, sur les habits. Achetez les têtes des morts, donnez à vos enfants. Achetez les, vous appelez Spider-Man, donnez à vos enfants. Après quand ils ont le problème, venez chez moi, je vais vous balancer en bas là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez créer le problème aux gens. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. On va dire que frère Junior, il n'y a pas de mal à cela. Quitte-le. Vous voyez ça? Bonjour mon frère, tu salues comme ça la main du tigre. Mon frère ça va, oh, ça va très bien. Vous dites au tigre ton frère. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Aide-le, aide-le. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Reste à côté de lui. Reste plutôt derrière lui. Reste derrière lui. Oui, toi au moins. Tu vas voir les groupes, les bras qui sont balancés et qui vont au ciel. Ça sait bien, n'est-ce pas? Ça sait jamais. Reste ici. C'est pour cela que vous voyez que les faux pasteurs ont les dents du corps. Vas-y, fais-moi ça comme ça, ne va pas me dire qu'il faut des gars. Le gars du corps, il laisse mon pasteur. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous voyez ça? Au nom de Jésus Nazareth. Remarquez ce que j'ai dit au nom de Jésus Christ de Nazareth. C'est ça seulement. Il dit, les esprits, ceux à qui cette voix si est destinée comprennent. C'est pour ça que ceux qui m'entendent maintenant, quel qu'en soit, même à distance, au nom de Jésus Nazareth, ça n'a pas, de barrière. Au nom de Jésus Nazareth, même s'il parle en japonais, comme celui a parlé dès le départ, le démon entend. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Entendez bien, d'accord? Il faut que ces choses se parcourent tout son corps. Ils vont savoir pourquoi que Jésus Christ est Seigneur. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Donc, il y a le choix où la moindre argent doit être dans le comme ça, c'est là tout mouillé. Laisse la passer. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Cette chose, c'est pas orchestrer le mal d'estomac. Elle a le mal d'estomac. On appelle le mal gastrique. Donc c'est ça, c'est l'esprit à cause de ça. Au nom de Jésus Nazareth. Merci. On donne le souci. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Non, mais Jésus Nazareth. Non, mais Jésus Nazareth, lâche maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. voyez tous, vous voyez ce que je vous disais dès le départ, qu'il y a des maladies qui sont causées par des esprits. Le mal d'astuce normalement, vous pouvez se soigner chez le médecin. Mais ceci, qu'est-ce qu'il devait mettre à l'après? Ça a changé. Regardez. C'est terrible. Ça a touché même jusqu'à ça. À l'intérieur, si vous voyez, vous faites l'examen à l'intérieur, de regarder au niveau de la colonne, un peu vers la colonne, quelque part là-bas, à côté, il y a la blessure là-bas. Vous avez fait les examens. Elle a la douleur à l'intérieur. On a déjà dit qu'elle a la scoliose. À l'intérieur là-bas. Oui, et ce matin, elle se plaignait comme si elle sentait une coupure. Oui, au niveau de la colonne. Est-ce que tu m'as dit du comme ça? Lâche-le! Lâche-le! Nom de Jésus de Nazareth! Tu l'accompagnes tout simplement du jour du monde, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth! Et vois que ceux d'Abidjan ont besoin de ceci, ceux de Côte d'Ivoire ont besoin de ceci. C'est fort partout dans le monde. C'est fort partout. En allemand aussi, vous avez besoin de ça, pas vrai? Comment? On a besoin de quoi? On n'a pas besoin de ceci. Oui, les démons de blanc ne dérange pas. Oui, les blancs, oui, les démons, c'est pour découvrir des choses merveilleuses. Au Canada aussi. J'ai oublié que tu devais partir où? Je suis là. Ok. Non, on ne viendra pas là-bas, Dieu voulant, d'accord? C'est quand même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ce qui se passe, c'est que c'est les flammes. Je n'ai pas prononcé feu. Mais c'est ça qu'elle devait se dérouler à l'intérieur. Heureusement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Vous savez ce que vous allez travailler demain matin, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Soutiens-le bien, d'accord? Soutiens-le bien. Maintenant, lâche-le, lâche-le en le préservant, d'accord? Lâche-le tout simplement. Mets ta main comme ça, là, au cas où. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Assez toi mon cher. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si ton frère me suivait, d'accord. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une vieille maman qui se transforme en jeune fille. Regarde-moi maintenant, je viens de prier. Je viens de regarder, moi je suis en train de regarder. Il y a une vieille maman qui se transforme en jeune fille. Et qu'est-ce qu'elle est son but de l'année? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Quitte-le! Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si elle vient dans le songe, c'est une jeune fille, mais normalement c'est une vieille maman qui a pris cette forme aussi. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Couche des nuits. Quand elle vient, tu fais quoi? Tu dis, ah, mamie, tu es belle. Mais tu la vois dans la journée, mais hey, tu vois dit que le vieux moment, tu vas où? La nuit est visée, tu dis, chérie. Au nom de Jésus de Nazareth! Ma prière, c'est que Dieu vous montre, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Que même quand vous dormez, que vous voyez vraiment les gens qui vous attaquent. Au nom de Jésus de Nazareth, ceci, il faut qu'il quitte son corps. Regardez ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, alors, lève-toi, lève-toi. Dépose ton sac là-bas. Vous allez me laisser. Mon frère Jobel, cette présence-là t'a quitté. Amen. Oh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Camille allait se casser dans le cachet dans le foie là-bas, il fait le travail de Dieu. Eh, frère Carmine, tu restes devant tes fils, tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après tu dis que le Cameroun c'est pour le frère Junior. Le frère Junior que Dieu vous fortifie là-bas au Cameroun. Frère Steph, tu le dis, tu le dis seulement. Hein? Eh frère Etienne. Écoutez, tous les Camerounais marqués du sceau de Dieu, vous ne pouvez pas esquiver l'onction de Dieu qui va descendre sur ce pays. Amen. Vous êtes n'importe où, il va vous mettre au service. Amen. Amen. Donc, moi je m'entraîne déjà pour moi. Si vous n'êtes encore entraîné, vous allez avoir des affaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans la mi-temps, ça se manifeste. Comment tu te dis ça? Tu savais cela? Tu savais que c'est une vieille maman? Non. Tu savais que c'était qui? Le visage change, c'est pas le même visage. C'est pas le même visage. Un moment, tu utilises une personne que tu connais. Une personne, le visage que tu ne veux pas voir. Au nom de Jésus de Nazareth! C'est terrible là. Non, tu fais quoi? Viens comme ça, frère, viens ici. Faut qu'on mette la barre, tu sais, il y a le caleçon en fer spirituel. Plus c'est le couche de nuit, quand c'est le couche de jour, on est sur le caleçon normal, donc là, tu mets le caleçon en fer spirituel. Comme ça, c'est moi qui aura les pieds. On est d'accord, n'est-ce pas? Pasteur, c'est quoi? Là, il faut mettre le caleçon en fer spirituel. Comme ça, regarde comment il coule la sueur là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il coule la sueur? Ça, c'est pas normal. Donc, c'est la délivrance de la maison. Amen. Le caleçon de fer qu'il faut mettre ici, il faut mettre le caleçon de fer. C'est-à-dire que quand elle vient la nuit, l'esprit vient la nuit, il dit, mais qu'est-ce qui a fait ça? Sinon, il ne peut pas résister parce que son esprit n'est pas encore formé à ce type de prière. Lui, son esprit n'est pas encore formé. S'il lisait la parole, il devait savoir dans ce psaume, Proverbe chapitre 3. Les versets 19 à 20, 20 à 23, la Bible déclare que si tu sers sa parole dans ton cœur, tu te dis qu'elle est ta sœur. Quand tu vas te coucher, tu ne redouteras pas la crainte de la terreur des ennemis. Quand tu dormiras, le Seigneur sera ton assurance. Il ne permettra pas de chasser. Si cette parole entre en vous comme ça, quand l'Esprit vient vers vous comme ça, là, c'est, parce que puisque vous dormez, c'est votre être que vous avez nourri spirituellement qui le combat. Le problème, c'est que quand vous ne vous nourrissez pas spirituellement, vous êtes aussi exactement comme un chien ou bien comme un animal. On peut faire n'importe quoi. Donc ici, il faut que je lui porte un caleçon spirituel en fer. Ouais. Et là, j'arrête les clés pour comme ça, lui, il ne peut plus ouvrir. Là, maintenant, il va savoir quelle est la maman qui le pif en plein jour. Dans cette zone-là, qui tue les différentes jeunes filles là pour venir me traiter. Et quand il fait comme ça, le gars est bien dans la nuit, il s'en fait, et c'est bon. Non, dis juste que c'est Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es d'accord qu'on peut prendre le caleçon en sphère spirituelle, frère? Je garde la clé, ne me demande pas la clé, ça plus tard. Les couches de nous. C'est le moyen. Il y a trois choses que les esprits utilisent pour terroriser les enfants du Seigneur. Je vais vous expliquer. Il y a principalement le mari de nuit. Il y a différentes couches de nuit et mari de nuit. Lorsque c'est le mari et les femmes de nuit, vous êtes littéralement mariés. Il peut créer des autres dans votre famille pour vous séparer. Il fait dire, quand vous couchez sur le lit, vous êtes trois. Quand tu regardes ton partenaire, la personne t'énerve, même s'il fait n'importe quelle petite chose que ça ne te plaît pas, il t'énerve. Mais dans le songe, quand vous êtes là, vous êtes quand cette présence vient, vous avez une femme qui se plante, que quand j'ai se couche de nuit, je suis plus satisfait que mon mari. Je suis plus satisfait que ma femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est cet esprit qui en effet. Il faut que l'acte de mariage avec lui soit déchiré. Si ce n'est pas déchiré, vous blaguez seulement. Donc si cette femme quitte son mari pour aller avec une femme, ça va se passer parce qu'en réalité, elle est liée spirituellement. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est le mari de nuit. Quand on dit mari, ça se pense qu'ils sont mariés. Mais là, il y a le couche de nuit, que les gens se demandent seulement, vous avez les portes ouvertes comme ça là. Ça vient maintenant par la séduction, par les choses que vous avez, les choses de séduction du monde là, ça entre dans la maison. Là, il vient chaque fois sur l'opportunité. La dangerosité de ceci, c'est que vous êtes exposé à tout esprit. Donc, quand vous avez un entretien, par exemple, d'emploi, quand ça vient vers vous, vous avez l'échec. Vous avez n'importe quoi que vous voulez entreprendre. Quand vous remarquez, quand vous couchez la nuit, le lendemain, c'est tout ce que vous voulez faire, ça s'abat. Leur but, c'est de détruire. Donc, les enfants de Dieu ne devaient pas expérimenter ces choses-ci. Mais suivez, frère. Hein? C'est pour ça que les gens qui sont livrés à la cause à la sexualité avant de se marier, si normalement vous voulez vous marier normalement, étant chrétien, d'exiger qu'on vous délivre. Même si vous ne savez pas ça, quand vous allez délivrer. Parce que toutes les portes que vous avez ouvertes dans vos vies avant de vous rencontrer, pour les femmes qui avortent, avortées, pour les choses que vous avez faites, les hommes qui ont fait toutes ces choses dans la gauche, dans les boîtes de nuit partout, quand vous faites cela, ce sont les portes qui sont ouvertes. Ça suppose que votre vie est ouverte à tout moment. Donc, quand vous êtes marié, quand il veut vous détruire, tu dis Jésus, Jésus, dit que Satan dit que va vers lui, c'est lui qui t'avait contacté la dernière fois. Alors, voilà comment ça dérange. Donc, ici, c'est comme ça. Ils sont allés regarder une femme qui vend un style de boisson. Je veux que tu m'écoutes attentivement avant que je fasse cette prière ici. Parce qu'une femme qui vend un style de boisson, cette boisson, si on ne prend pas avec la cuillère normale, ça va être quelque chose comme si c'est. La louche. Donc, ça, c'est pas la louche, c'est ce que j'en ai regardé. Ça, c'est un truc, c'est comme si c'est un truc de. Comment vous appelez cela? C'est un fruit, comme si c'est un fruit qui a séché et qu'on a coupé. Dans ce style de boisson, on prend avec quelque chose, mais ce n'est pas la. Ce n'est pas ce style. Non, pas le. Ça veut dire c'est pas. Non, de coco. Non, voilà. De coco. Ça, c'est ça, la couleur des mâles coco, justement. Ça veut dire que c'est. Calebasse. Calebasse. Donc, on a de porter cela comme ça. Là. Si on regarde une femme qui a de vendre cela, qu'est-ce que c'est si a le rapport avec toi? Je veux que tu parles avant que je la vende à la prière. Elle est partie. C'est pas la bactérie, oui. Mais je suis avec toi. Il faut que je laisse les gens qui bavardent ici là. Faites-la passer. Oh, on avance. Je suis en train de l'écouter là. Il dit, je suis en train de voir une femme qui fait cette activité-ci. C'est une femme qui a fait cette activité. C'est quel est ton rôle là-bas dedans? Voici la mamie, voici la personne de prendre, voici les groupes. C'est dans les groupes, les problèmes de prendre, les moyens de prendre, les mères. Mais ça a un travail avec toi. C'est quoi, mon cher? Je suis une femme qui est une femme. C'est elle qui a des bras frais qui est raccroché là. Hein, mon cher? Il va être ton garçon. Assieds-toi, bon, assieds-toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as dit. Viens, assieds-toi. Quand ça va venir, viens, tu me reviens. Situation de tout. Ça. Avance ici, toi. T'as la main là-bas. T'as la main là-bas. Rapproche le rouge là. Tends la main, tends la main. Il demande de tendre la main. Parce que vous avez la même situation. Donc, tends la main sur elle. Vous avez la même situation. Et on dit que c'est pendant que tu as le temps de la main. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ton corps, mon cher? Je sens mal. Je sens mal ici. Voilà. Voilà. Allons-y. Tends la main, tends la main. J'ai la clé de ton garçon, d'accord? Et quand que ces deux, c'est ce qu'on va faire, c'est que les enchaîner tout simplement. Pourquoi ils me laissent boire la bouillie ce soir? C'est pas parce que. C'est vrai que normal. T'as la main là-bas. quelqu'un qui a quitté cette présence, quelqu'un qui a quitté cette présence, il y a une personne qui se prend de mes bras. Une garçon qui se prend de mes bras. Faites-le entrer. Il ne doit pas quitter cette présence. Il ne doit pas quitter cette présence. Viens, viens, on a son vieux. Avance qu'il se prend par là-bas. Porte ses gars, faites ça dans la porte, pour ça, bien sûr. Oui, porte ses gars, prends, oui. Voilà. Merci. Vous savez pourquoi ça me fait comme ça, hein? Un jour, le temps de l'épluchage, en réalité, tu vas à l'étage comme ça chez quelqu'un. Ma porte, on a entré plutôt comme ça, et on allait devant pour justement dans le truc de la porte, était comme ça. Le temps de l'épluchage comme ça, les gens étaient ici. Alors, quand on a prié ce site de prière, il y a une fille qui est entrée comme ça. Elle a traversé le mur. Quand elle a traversé, mon chien l'a enveloppé. Elle avait s'asseoir dehors, derrière le mur comme ça. Ce qui fait que de ce côté, on ne peut pas la voir. Mais là-bas, le balcon n'était pas protégé. On était au 4e niveau. À l'instant où j'étais ici, le Saint-Esprit a dit, faites-la entrer. Parce que l'esprit qui était en elle voulait la pousser, la jeter là-bas. Vous voyez ce qui peut arriver. Alors, là, ce que vous avez fait n'est pas, comment on va dire, homicide involontaire. Devant le tribunal, là, les esprits ne se manifestent pas. Ils laissent compter très bien. Parce que les âmes là-bas, pour que ça te donne la leçon que tu ne pries pour le nom de Jésus. À l'instant où on j'ai dit, attrapez celle qui est dehors là-bas, elle était sur le point de sauter. On a amené à l'intérieur, j'ai entendu, je suis Lucifer. J'ai dit, c'est même toi qui cherchais même le puits. Attends la main, attends la main, attends la main. Donc il faut qu'on reste sur cette influence, il faut rester sur cette influence. Donc, je n'ai pas besoin de vous toucher. Je n'ai pas besoin de parler de votre cas, parce que c'est lui qui est l'esprit. C'est lui qui est l'esprit. Pendant qu'on a eu le prier ici, il y a des gens qui ne veulent pas parler, il y a des gens qui ont prêté seulement. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il y a des esprits qui sortent doucement comme ça, poum, ils partent doucement. D'autres soleils ne veulent pas qu'on les menace. Avant de parler au nom de Jésus. Vous remarquez que vous avez réussi à vous expliquer que je vous comprends ce qui vous arrive. Et vous faites poum, vous voyez que vous êtes à l'aise, à l'instant vous êtes à l'aise. Ce n'est pas n'importe quel style de poum, ce n'est pas le style de poum que vous faites souvent normalement. Ceci, c'est un poum de délivrance. Deux personnes, c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, vous allez sortir, c'est là que vous allez comprendre. Pas les urines, pas les autres, vous allez sentir d'autres choses. D'autres, c'est dans la nuit que vous allez voir la chose qui s'est passée ici et dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ne pensez pas comme vous dites ici, je ne vous ai pas touché, ça, c'est parce que je n'ai pas vu votre cas. Je vous ai dit que je ne suis absolument rien. C'est lui qui doit conduire la chose. D'accord. Vous avez pas été ici pendant que je suis dans le verset, c'est pas vrai. Donc c'est lui, il faut que c'est lui qui fasse quelque chose. Il faut que ce soit lui qui fasse quelque chose. Et s'il a fait quelque chose pour quelqu'un, reste-moi tranquille, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde suffit pour moi. Ta grâce et ta miséricorde suffit pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu vas, mon cher? Tu es à l'aise? Je suis à l'aise. Ton corps tremble dedans. Lève-toi, je salue tous tes frères. Tu dis, mon frère, je viens de loin, n'achète plus la bière avec le tigre. Je dis comme ça. Oui. Le dragon, ne faites pas ces choses-là. Vous voyez, quelqu'un porte, c'est l'amour. On porte avec la tête de mort. On mange comme ça pour qu'on sache qu'on a la tête de mort. Non, dis juste que je n'ai pas arrêté. T'as la main là-bas. Moi, je suis sorti, je suis pour mon Dieu. Non, pas de commentaire. Dites seulement que je sors de là. Depuis le pasteur a fui parce qu'il ne voulait pas qu'elle rentre sur lui. Il sait quand on a mieux comment c'est qui se passe. Au nom de Jésus de Nazareth. Il voit que la connexion est partie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu l'as dit maintenant que tu viens de loin? Quand j'ai vu ces choses cette nuit, c'est écrit ma femme, comme ma femme elle a pas fait ça. J'ai écrit, il a dit que chérie, j'ai vu un songe là terrible. Elle a dit, raconte-moi, il dit tu as abattu à l'église et pas fait ça. C'est ceux des doigts qui vont expérimenter ceci. Parce que Dieu m'a montré la nuit ce qui s'est passé ici. J'ai dit, waouh, parce que j'étais couché là. J'ai vu, quand j'ai vu ces choses, je vous ai vu positionner, j'ai vu chacun de vous qui réservait cela. Il dit, ok, c'est bon. Donc, ceux des personnes ne savent pas ce qu'ils ont laissé passer, mais ma femme ne connaît pas encore ceci. Parce qu'elle a décidé d'aller à l'état pour ça. Donc elle a passé à l'église des professeurs. Ça c'est pour les gens de toi, là, pas vrai? Non, dit Jésus de Nazareth. Et ça c'est le professeur. C'est ce qui vient de se passer, c'est le premier niveau de ce que je veux. Je vais vous expliquer, je vais parler en parabole ce que je veux. Après, quand ces choses sont arrivées, j'ai vu que c'était une chose de Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Après cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non, Jésus-Christ Nazareth. Tu t'es rappelé, mon cher? Sinon, il va toujours connaître son enfer. Non, Jésus-Christ Nazareth. Quand tu vas rentrer ce soir, tu vas voir la grand-mère ce qu'il va te dire ce soir-ci. Non, Jésus-Christ Nazareth. Comment tu vas? Je crois que tout se passe bien, n'est-ce pas? Et l'atmosphère est bien, pas vrai? Il faut qu'on balaye tout ce qui est comme obscurité, d'accord? On balaye carrément tout ce qui est comme obscurité et qu'on laisse la lumière resplendir. Amen. D'accord? Donc que la lumière soit dans ton être. Que la lumière soit dans ton être. Que la lumière soit dans ton être. Que la lumière soit dans ton être. Lève-toi. Que la lumière soit dans ton être. Quitte-le maintenant. Et que la lumière soit dans son être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-le maintenant. Quitte-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez-le maintenant. Toi, répète ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, pourquoi il t'a dit qu'il n'était pas cette influence, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il va à l'extérieur là-bas. Pendant qu'on prie comme ça, les petits démons du cancer, on a dit, il y a qui ici? Il y a qui? Quand ils sont comme ça, on vient là pour donner le secours. Donc, s'il y a un pote, il vient là pour renforcer. Donc, ça, il faut qu'il soit là pour allumer lui maintenant parmi dans son corps. Amen. Il sort ici avec cette lumière-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommence encore. C'est pas parce qu'il n'est pas parlé de ton cas, il était touché, que tu n'es pas sous cette influence. Mmh. Vous êtes dans cette influence-ci, amen. Vous admettez ou non, il va exercer, faire son chemin. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Sors de lui maintenant. Sors de lui maintenant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. N'est-ce pas l'esprit qui gueule ici? Quand on est sur cette influence, où est le frère à qui gueule à chaque fois? Bon, non, c'est pas qu'il est décroché. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ouais, le fait qu'il soit avec les yeux fermés comme ça, maintenant, ça veut dire que celui qui est à l'intérieur a pris contrôle. Et maintenant, vous voyez ça, comme ça, vous pouvez lui ordonner facilement. Les femmes, vous êtes prêts là-bas pour donner les beignets aux gens. Quand ils seront levés, ils seront bien fatigués. Donc, vous mangez bien. Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Toi, esprit des ténèbres, esprit des eaux, je t'ordonne de quitter ces garçons-ci maintenant. Quitte-le! Au nom de Jésus-Christ! Quitte-le! Vous ne pouvez pas programmer ce genre d'esprit. Vous dites qu'on va à 16 ans, finir à 20, c'est pas possible. Parce que vous ne savez pas comment le Saint-Esprit va agir. Vous voyez? Au nom de Jésus Nazareth! Au nom de Jésus Nazareth! Sors! Sors! Sors de lui maintenant! Sors! Au nom de Jésus Christ de Nazareth! Sors! Au nom de Jésus Christ! Sors de lui! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Quitte ce garçon! Lâche-le! Que la lumière soit dans ton être! Que la lumière soit dans ton être! Au nom de Jésus de Nazareth! Quitte-le! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, sors de lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans ton aide. Que la lumière soit dans ton aide. Que la lumière soit dans ton aide. Je crois que le Seigneur a décidé que pour ceux de l'extérieur là, c'est fini comme ça. C'est ça, non? Que la lumière soit dans ton aide. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth, sors de lui maintenant! Sors de lui! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Sors! Lâche-le! Au nom de Jésus de Nazareth! Et t'ordonne de sortir de lui maintenant. Sors de lui. Sors de lui. Sors de lui. Sors. Sors. Sors. Sors de son corps. Allez, sors. Sors de lui. Vous avez la personne qui était si calme là, n'est-ce pas? Assis au milieu des mots. Donc voilà. Sors de lui. Toi, puissance méchante. Sors. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-le. Voici est reconnu par ceux à qui c'est destiné, pas vrai? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Dites-moi comment quelqu'un peut s'aventurer pour aller à chasser un esprit qui est un esprit désincarné dans un corps sans la puissance du Saint-Esprit. Comment tu peux? C'est une mission dangereuse. Qui est le maintenant? C'est quoi, frère? Tu regardes qui là-bas? Comment, frère? Vous allez bien finir, vous les écoutez, l'église là. Quitte-le! dans l'esprit, vous pouvez amener quelqu'un n'importe où. Donc, lorsqu'il est ici, on n'a pas besoin d'aller vers lui pour prier là. Vous pouvez le caser. Vous savez, par exemple, si vous allez le conduire, une voiture vient en face de vous. Dans la nuit, on fait une lumière comme ça. Quand même la voiture part, vous voyez toujours la lumière. Pourtant, la voiture n'est plus là. Vous voyez cette impression, cette chose qui s'applique sur votre rétine. Là. C'est ça. Lorsque c'est en vision, vous pouvez avoir la personne n'importe où. Et par conséquent, étendre cette pas cette main ici, mais l'autre main pour prier. C'est ça que je me dis. Donc, on peut le localiser n'importe où. N'importe où. N'importe où. Tu as sorti parce que cette influence, regarde, c'est pas comme ça. Tu as venu que l'encore, tu n'as pas pu commencer ici, mais tu peux donner encore le travail aux gens ici. Quelqu'un d'autre s'en soit là-bas. Comment tu as sorti les femmes du monde? Après, vous allez dire que vous ne jouez pas les femmes, alors que vous n'êtes pas galant. C'est galant. C'est galant. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Gardez toute votre attention dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Lâche-le maintenant! Pour celui qui salue les gens, il l'ouvre. Il les laisse coucher, ça ne va pas avec lui. C'est la carte qui m'a donné du feu. Au nom de Jésus. Sors! Ça peut, ça peut faire quoi? Reste là où le fait c'est 866, cherche ton caleçon en bas. Au nom de Jésus, je m'arrête. Ça, c'est la barrière. Ça, c'est pour contrer. C'est en même temps de la barrière et en même temps de l'envoûtement. Donc, c'est vrai, par exemple, que vous savez, quand les policiers, quand il y a grève, les policiers portent quelque chose sur la tête et d'autres ont des choses comme ça qu'ils mettent là. Quand on fait, on lance des petits cailloux que les gens lancent là, ils mettent comme ça, fait, pam, ça tombe. C'est travail d'une certaine façon dans le spirituel, c'est ça la vie. Donc, quand il fait comme ça, ça veut dire qu'il a envie de bloquer tout ce que tu veux faire, il bloque et il te combat. Ici, c'est pour ça qu'il dit que vous allez attaquer ces gestes ici, vous ferez mieux de mesurer, bien que vous savez. Il y a une façon pour faire détacher cet attaquant. Non, mais Jésus de Nazareth! Sa barrière est tombée. Quoi? Tu viens de voir ta part là-bas? Tu t'amuses, on met ta part là-bas encore. Vous connaissez sa part, non? Lâche-le! Ça va aller, c'est tombé. Ça n'a plus de puissance. Petit à petit, c'est devant ce fait de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il n'y a pas de barrière contre le nom de Jésus. C'est nous qui devons limiter cela. Alors, la puissance qui est dans le nom de Jésus, qu'est-ce qui se trouve en nous? Là où il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et c'est le point que vous avez vu là. Nous relâchons cela de nos bouches, c'est ça l'autorité. Et pour que cette autorité marche, il faut que vous ayez la foi en son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il ne s'agit pas de crier comme ça. Il ne s'agit pas de crier comme ça, mais de crier. Je peux dire, tout de même dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien, n'est pas tout seulement dit, mais le dit en esprit, au nom de Jésus-Christ, sans que vous l'entendiez, mais dit la même chose. Donc ce n'est pas la tonalité ni le fait que je crie fort qui fait que ça soit autoritaire. C'est ce que vous comprenez. Ce n'est pas le fait que je gronde qui fait que ça soit autoritaire. Où sont ces 666 qui étaient sur ta main? C'est encore là. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Vous voyez ça? C'est terminé. Terminé, terminé, terminé, terminé. Lève-toi! Lève-toi, mon cher, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Aidez-le à se lever. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Laissez-le dans sous cette influence. Lui-même va rentrer comme l'autre là aussi. Avec sa lance son corps comme ça. Jésus-Christ. Jésus-Christ est effectivement Seigneur, pas vrai? Permettez-moi de vous saluer encore une fois de plus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il y a une maison qui manque ici. Bonsoir. Wow. Donc là, elle est vide, puis elle est vide et fatiguée. Il y a toute cette fille qui disait qu'on devait être dans son monde. Bon. Où est le pasteur? Non, attends, d'abord, la dévain n'est pas finie. Quand la dévain va finir, tu es debout, faire comme vous prier. Non, parce que tu n'as pas ça. Donc tu peux prier quand même, non, comme tu es debout, on va faire. Vous passez des aussi comme ça pour finir la prière. Vous passez des aussi pour finir la prière. Ça va, le bois s'est bien passé. Nous avons prié pour vous que tout se passe bien là-bas dans l'odeur. Qui est-ce qui peut utiliser ça? Qui n'a pas encore expérimenté la puissance de l'Esprit agitant en lui? Toi? Tu vois, on te dit, c'est un lit seulement. Tu veux t'aventurer, frère? Tu veux vivre? Lève-toi. Il ne s'agit pas d'un combat, jamais. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du nom de Jésus-Christ que tu dois utiliser contre cet esprit. D'accord? Vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait deux personnes, ce n'est pas moi aussi, mais repose aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu te demandes juste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui bouge, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tends-lui la main. Voilà. Ne regarde pas ce que son physique va te dire. Tends la main. Comme j'ai vu ta main, si il faut que je vois ta main qui est si tendue vers elle. Et ça va marcher. Donc souvenez-vous de la prière de ce soir. Vous tout ce qui est sur l'influence, quelle que soit la puissance démoniaque qui est orchestrée dans vos vies, dans quel que soit le domaine, et qui est injectée dans votre vie, dans votre problème, vous avez un problème de santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom-là, qui localise les esprits et les expulse du corps, que ça expulse de la même façon ces maladies de vos corps au nom de Jésus. Amen. Avançons. Amen. Avançons. Et puis je vais s'attendre avec son pavé ton doigt. Je s'appelle gauche. Touche, continue, touche maintenant. Touche sa tête. Tu vois pas la tête, frère, c'est la joue, tu touches là. C'est bon. Comment, au nom de Jésus, quitte cette fille. Allons-y. Au nom de Jésus, quitte cette fille. Vous allez voir. Je suis femme, je suis pas fille. Voilà. Vous allez voir maintenant que quand on quitte la. Vous allez rester des gens pris, pensez que c'est sur le travail de quelqu'un qui est passé. Faites ça maintenant. Au nom de Jésus, quitte cette fille. Donc, là où il est encore sous cette influence-là, l'esprit de tout ce qu'on a fait ici. Donc, ça va aller comme ça, processus après processus. Il avait dit la dernière fois qu'on s'est rencontré que pour nous sommes successivement trois dimanches. C'est ce qu'il avait dit. Voilà. Donc, pour que ça soit nettoyé entièrement. Il parlait de miséricorde. C'est une grâce que Dieu vient au milieu de nous pour délivrer. Amen. Une grâce. Amen. Amen. Nom de Jésus, quitte cette fille. Il n'a pas mon choix, frère. Prends. Avant tout. Prends. Mets sur sa tête, de la même façon. Amen. Tiens. Au nom de Jésus, là, ne parle pas. Parle pas. On va parler de ça. Je vais finir sa bouillie, je s'en encore ici. La bouillie est prête. Mais quel était le songe? Observez-le. Quel était le songe? Le songe, il est plus fort. Quatre femmes. Vous qu'ils attendent aussi. Oui, bon. On était ensemble dans une bonne maison où j'étais. Oui. Tu n'étais pas ici. Donc tu veux qu'on déménage? Non, ouais. Mon frère, je ne peux pas expliquer mon sens. Non, tu dis qu'on est dans une maison. Je n'étais pas ici. Ok. La maison était plutôt en bas, c'est une descente. Oui. La descente était comme ceci. Et en bas, juste d'être en bas, il y avait deux ou trois niveaux. Vous avez pleuré des soucis, pleuré des soucis. Oui. Et à la maison, il y avait un style de... Donc, vous avez divisé la maison. Oui. Vous avez fait un autre coup en vitrier. Oui. Et à vitrier, vous avez tout simplement vendre les appareils électroniques. Oui. Il y a deux soeurs qui ont payé deux appareils. Oui. Il fallait que moi, je les accompagne. Vous m'avez dit qu'il faut que vous allez vous reposer. C'était samedi à la veille. Vous étiez au partage. Mm-hmm. Il faut que vous revisionniez la scène du partage que vous avez là-bas. Mm-hmm. Donc l'entrée, vous avez pris un appareil comme ceci. Mm-hmm. Parce qu'il fallait mettre la clé pour le suivre et revisionner ça dans la clé. Vous allez aller dedans. Mm-hmm. Moi aussi dans l'accompagner. Les deux sœurs. Les deux sœurs. Parce que j'ai mis dans un porte-tout, les appareils. Monter la montée ici plutôt en haut comme je suis en bas. J'étais dans mon prix maintenant pour accompagner les deux sœurs. Au retour, dans le songe, j'ai fait la prière parce que c'est dans un besoin. Le Seigneur exauce toujours. J'ai fait la prière. Le Seigneur est plutôt passé par un frère pour exaucer donc de ce que j'ai demandé au père. À la descente, donc, le frère qui se voit, donc, à la descente, le même habit comme ceci, la chemisette, c'était pas lui. À la descente, il descend pour atteindre la maison. Je traverse. Il était assis comme une maison, sept maisons avant d'avoir deux soeurs au milieu de la descente. Mm-hmm. Lui maintenant, le frère, il s'est entre Arnold ou Achille. C'est-à-dire qu'il avait ce nom-là. Mm-hmm. Bon, il avait porté une chemisette comme ceci. Il me dit, il devait donc arriver, vous voir s'il ne m'a pas vu. Mm-hmm. Il m'a interpellé à la descente. Que ouais, vous dites, tu vas où? J'ai un paquet pour toi. Le Seigneur m'a demandé de te remettre. C'est pas question somme d'argent. Mmh. Donc je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on va donc à la maison. Il m'a dit, allons donc à la maison pour que je te remette ça. Arrivé dans la maison, il appelle donc son épouse, mais sans lui et la famille. Donc quand au fait qu'on entre à la maison, c'est pas alors qu'il revient pour aller en visite aussi. Mmh. Tu arrives donc, on s'assoit. Donc c'est plutôt le nadi qui était vraiment important dans le songe. Mmh. On arrive donc à la maison. Son beau-père, son papa, était aveugle et ils avaient des problèmes de communication, entre eux à la maison, donc ils ne s'entendaient pas. Ah, vraiment, on le lisait beaucoup, on le lisait tout, donc on ne s'occupait pas de lui, on le manquait, parce qu'il était aveugle, il commettait un problème gênant à la famille. Il dit donc au fils que de tout mon vivant, tu ne dois pas occuper ma concession, tu vas partir d'ici. Le fils dit, toi, il parlait donc ainsi de Baranté, comme Tongané, comme ça. Il dit, tu vas partir. Le fils dit que toi, tu n'es rien. Donc, il disait le fils. Et tant non, avec le temps, tu arrives, il y avait deux écrans. Donc, le vieux, on est sorti de la maison. Il n'est même pas qu'on sache que son papa est aveugle, son papa est dedans. On le cachait. Donc, il y avait donc deux écrans de téléviseur. Donc, le papa a suivi une émission. Il sortait donc pour s'asseoir. Il ne voyait pas non plus, mais il visait qu'elle entendait juste que. La communication, là ça lui plaisait, il se mettait à l'aise. Mmh. Dès donc arrivé, nous sommes assis ensemble, tu dis au frère, pourquoi toi tu méprises ton père? C'est donc le moment, toi qui es appelé à délivrer, pourquoi tu ne peux pas donc délivrer ton père de cette infirmité qu'il a? Lui maintenant, il dit, il va s'asseoir avec son père, toi maintenant tu as un appareil, comme un télécommande universel. Les appareils, les téléviseurs étaient là, ça faisait plus de volume. Tu as donc arrêté avec ta télécommande. Parce qu'il demandait qu'on éteigne, les enfants sont moqués de moi. Tu as plutôt demandé, tu as plutôt ta télécommande, tu m'as fait signer, c'est tranquille. Tu as donc arrêté cette télécommande, tu as donc arrêté avec la télécommande que tu avais. Tu t'es donc levé, tu es donc allé vers le papa. Il dit qu'aujourd'hui c'est le moment. Tends donc les deux mains. Là, le papa a donc tendu les deux mains. Tu as donc prié pour ce papa, pour ce père. Et de délivrer de son infirmité qu'il avait. Oui. Et dit au frère que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Pourquoi toi tu dénies ton père? Pourquoi tu me manques de respect? Subitement, mon réveil a sonné 5 que je sorti de la somme. Tu as dit, oh. Il chantait de dénier s'il n'y a pas moyen. Tu as dit, à l'instant, donc c'est ça au petit matin. Oui. Et voilà, aujourd'hui, il y a délivrance. Tu as dit, mais. C'est ça. Mais comment dans ces sons là tu ne vois pas que toi-même tu délivres? Tu vois comment dans ce là tu esquives? Je ne m'en fais des choses, je ne fais des choses. Et bon, et ce qui me t'a commencé, c'est que moi je demande le paquet que le frère devait donc me remettre. J'ai prié à la maison parce que si tu es dans le besoin, je voulais dans un frigo ou un congélateur. J'ai demandé au Seigneur le pouvoir pour que je puisse l'acheter. Dans mon son, le frère m'accoste, la somme d'un peut me donner. Il dit, mais mon frère, il dit, si il donne 100 000 ou 200 000, ça va te plaire. Le Seigneur a permis qu'il donne cela. Il dit, mon frère, gloire à Dieu. Là, il m'a pas donné la somme. Ça sent le son, nous, c'est la physique. Mais le son. Il peut pas me donner la somme. Bon, mais c'est que les autres studios, ils vont me donner. Ah, mais donc, les amis, quand tu vas partir là, mais ça va venir physiquement, tu vas venir ici. Ah, c'est pas son physique. Le bébé qui va nous aider, c'est que le bébé, tout ce que tu vois là. C'est aussi qu'il y avait un haut gradé de l'armée qui venait, se plaindre. Son frère qui l'a amené. Que ça fait longtemps, il fait les frères des missions, aucun frère, le général est pour moi avec moi. Il a dit que photocopie tous les dossiers de toutes les missions qui viennent. Les dossiers sont encore à la maison. Quand il est venu, on a prié, il dit, monte. Il te voit dans un nouveau bureau. Il dit, quand ça va arriver, non, tu parles encore, tu m'as fait. Il est parti. 16 septembre, ça traverse. Après, il dit, enfin, mais j'avais dit à telle personne que quelque chose va arriver. Il a appelé, il dit, c'est comment? Il n'y a pas de bonnes nouvelles d'ailleurs. Il dit, ah, parfait, j'ai oublié. On a remboursé tout son argent jusqu'au dernier. Là, il ne peut pas parler. Non, on est passé ici. Et c'est ça pour moi, frère. J'ai le bloc-là. On a gardé, on a gêné mon argent. On prie. Il faut dire qu'on arrête quand ça, on a payé. Ce n'est pas pour dire que venez donner pour nous. Non. Il ne faut pas qu'il continue à prier que c'est bon, on a donné quel argent encore. Quel argent. Lâche-le. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je sais pas. Non, mais attends, tu faisais quoi, non? Je transpirais pour rien. Bon, peux-tu transpirer? Je commandais dans le cœur. Donc, je commandais dans le cœur. Quelle heure il est? 20h26. 20h, il n'est que 20h. J'aime ça, il n'est que. Assieds-toi, mon cher. Observe-le. Pas chez toi, ça me délaisse pas. Je ne savais pas faire grâce à la visite. Mais il n'a pas encore bien visité. C'était un serpent, ce qu'on a vu, mais ça a disparu. Tu vois que tu dois le savoir vu. Je pensais que tu savais l'avoir vu. On a les mêmes yeux. Elle était pas de le savoir vu, cela. Mais mon cher. Comme vous avez parlé des habits qui se ressemblent, c'est pour ça qu'on vous dit les choses. Chacun cherche d'où ça sort. Vous savez comment ils sont habillés, non? C'est vrai que sur le calabas qui sont des regardés, il ne sait pas, il ne se souvient pas. Maintenant j'ai ton caleçon en fer ici, gardé. C'est Jean 14, verset 13, c'est en son nom, non? En son nom. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Bon, mon frère, c'est pas le billet, ça va, au nom de Jésus de Nazareth! Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, plus de toi, tu me déjà des raisons si je ne comprends pas ce qui arrive aujourd'hui là. Il est mieux pas quand il est. Quand vous êtes sur cette influence, maintenant, même si vous sortez maintenant, vous partez, vous pouvez être à l'aise. Si c'est un mauvais esprit, ou bien quelqu'un qui était dans votre vie qui faisait comme ça, quand vous sortez, maintenant la personne va comprendre que quelque chose ne va pas. Mais la chose est dominée sur vous lorsque ils ne sont pas démasqués. Donc le but c'est vous garder dans l'ignorance pour continuer à travailler dans vos vies. Un peu comme vous avez une maladie, je ne vous pas diagnostiquer. Mm-hmm. Jusqu'à ce que le jour que ça se manifeste, vous voyez là-bas que c'est trop tard. C'est comme ça qu'eux ils se travaillent. Ils veulent que vous soyez dans l'ignorance. Que hey, moi, je ne peux pas être possédé. Je ne peux pas être le numéro. Est-ce qu'un beau garçon comme ça vous donne peut être possédé? Justement, c'est toi que Satan veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Ça va? Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! La prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ne consiste pas à crier ce nom, mais à prier dans ce nom-là. La prière avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ ne consiste pas à crier ce nom, mais à prier dans ce nom. C'est-à-dire en union avec ce nom-là. En union avec ce nom. En union avec ce nom. Alors, lorsqu'on dit dans Actes chapitre 19 que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul au point où on imposait même les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps et les esprits sortaient du corps. Est-ce que quand le mouchoir va être touché comme ça, est-ce que le mouchoir dit au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton fardeau soit ôté au-dessus d'elle maintenant. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Quitte ton corps maintenant. Toi, vieille sorcière. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Et sous cette influence-là, vous ne pouvez pas rentrer libre. Donc, vous ne pouvez pas rentrer avec ça comme ça là en vous. Il ne peut pas rentrer comme ça étant libre. Ouf, je suis libre, je suis libre. Vous devez être libre. Eux, ils doivent être dans l'échec. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette livre des la Bible déclare que le nom du Seigneur Jésus-Christ est une tour puissante. Le juste si réfugié se trouve en sécurité. Donc, on se protège. On se couvre, on se protège dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez dit qu'il est sur cette influence-là. C'est comme ça. Trois dimanches. Comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi ce serpent qu'on regarde les pieds? Sors! Sors-le maintenant! Fidèle! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand un coup s'il y a un arbre en bourse, vous savez que les gens qui coupent, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Là, moi, l'arbre arrive à un niveau où quelqu'un fait seulement comme ça. Et puis l'arbre sort. D'accord? Vous avez un arbre tombe. Mais vous voyez là, vous faites pam, pam. L'arbre comme une personne qui allait résister. Peut-être qu'il ne sait même pas, qu'on allait le couper. Mais c'est n'est qu'un temps. Pam, pam, ça. Les petites choses sortent. Vous savez, les choses là sont plus petit. Ce n'est qu'un temps. Si vous coupez, vous avez des ampoules et vous laissez, là aussi reste gentil. Donc vous venez dans le monde, vous continuez. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta faim. Aujourd'hui, maintenant, tu n'auras plus les dominations dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on ouvre le ventilateur, ça va toujours seulement chauffer. Donc ça va la peine qu'on laisse comme ça. Si vous avez la sueur, ça sort. Pas vrai, frère. Mm-hmm. Même notre sueur, c'est même la délivrance aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme est habillée en paille. Mais la différence c'est que elle et le foulard, normalement, quand elle a pris la portée, on l'a attaché sur son oreille. Je viens de l'avancer sur lui. Madame, comment tu te sens maintenant? Comme si on avait enlevé un poids de toi, et cette lourdeur là, tu pensais que ça vient de quoi? Et c'est normal que tu vomis tout ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est quoi qui était dans ton ventre? Quand tu manges dans la nuit, c'est bon. C'est même plus bien que comme si tu te parles, n'est-ce pas? Non, tu manges, ça c'est remis la bouche au bain. Sur le lit, ça c'est juste que tu as remis la bouche. Le nolet c'est bien digesté. Tu sais que je n'ai pas encore mangé un condor comme ça. Alors que c'est le pack des personnes qui ont été vous tu manges. Sors d'elle maintenant. Maintenant c'est terminé. Sors. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mademoiselle, je vais dire que je vais parler de l'utilisation de vos choses, vos services personnels. D'accord? Je ne sais pas si c'est pour ça que vous donnez des instructions pour vous les femmes. Mais ça veut dire les serviettes hygiéniques que vous en avez, vous enlevez chaque fois. Les esprits et puis pour surveiller ce que vous en faites. À partir de là-bas, on peut vous toucher n'importe comment. D'accord? Les serviettes hygiéniques, quand c'est la fin de vous savez, chaque cycle là, c'est que vous mettez. Vous devez disposer ça de la bonne façon. Si vous voyez ce que vous utilisez, vous allez jeter là-bas. Il y a un serpent qui se trouve là-bas. Merci, bonjour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois d'elle. Oui, ça. Le Seigneur te dit de quitter son corps. C'est terrible. Quitte son corps. Quitte son corps. Et prie que Dieu nous donne le moment comme ça, prier seulement, on prie seulement comme ça. Je crois que notre pasteur là, il a donné le témoignage de ces 200 000, tout le monde a entendu. Non, pas la bouillie, le peuple, chacun va prendre ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il a dit dans son témoignage que c'était 200 000, c'est pour nous? Non, mais c'est pour nous. Il y a une conversation de moins de 200 000, non, frère. Le frère, il a foi que tout ce que Dieu lui demande, il lui donne, il fuit la prière ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres, esprit de sorcellerie, tu n'as plus le droit d'habiter son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son être maintenant. Quitte son être. Quitte son être. Quitte. Quitte. Kate. Vous savez que c'est plus important que la boue que vous avez au bois, n'est-ce pas toi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce style de choses qui se passent dans vos vies, vous allez commencer à comprendre ce style de verset qui dit « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu dans votre part à l'unité des saints dans la lumière. » Il dit qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le rang du Fils de son amour. Si ça ne se passe pas pour vous, oubliez la paix, vous êtes dans le rang de l'autre. Là. Même si tu dis que « J'ai marché sur le serpent au nom de Jésus. » Son pied aussi fait des langues comme ça. « C'est le nom de Dieu en moi. » Il faut qu'il sorte d'abord pour que tu poses les jupes comme ça, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est de là dedans. Qui est de là? Sors tout ce que tu as mis dans son ventre. Tout ce que tu as déposé dans son ventre. Son ventre n'est pas ton lieu de décharge. Sors. Sors. Tout. Personne ne peut voler ton caleçon spirituel. C'est seulement ta pointure. Même si j'ai un. Nous sommes juste dimanche. Avant jeudi d'arriver, regarde ton caleçon spirituel. Tu vas voir ce qu'il en est. Tu vas voir l'important d'avoir ces caleçons spirituels. Enfer, caleçon spirituel. Il peut passer lui comme ça. Sors de lui. Sors! Il n'est que 21 de maintenant, n'est-ce pas? On fait comment? 23, il n'est même pas encore arrivé. Ça va 1h du matin. Non, on la laisse en préparer, toi. Nous, je fais, on le transfère par là-bas. On va dire, voir si on va pas rester jusqu'à minuit. C'est le crédit. Sors! Sors! N'oubliez pas de prier pour le Cameroun, je le dis encore. Parce que lorsque ces choses que vous allez devoir s'est passé, quand ça s'est passé, après j'ai entendu l'hymne national du Cameroun. Sors! J'ai entendu l'hymne national du Cameroun chanter. Mais ça n'a pas chanté totalement, c'était chanté en bref. L'hymne national a chanté du Cameroun. J'ai seulement entendu cela depuis tout ça, tout cette année. Sors! Cueille cette femme maintenant. Cueille-la maintenant. Cueille-la maintenant. Cueille-la. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Cueille son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi d'abord le nom lancé sur ton nom? Non, mais Jésus de Nazareth! Non, mais Jésus de Nazareth! Non, mais Jésus de Nazareth! Non, mais Jésus de Nazareth! Qui est-ce encore? Ouais, ça m'arrête, si ça ne m'arrête pas, je ne peux pas arrêter. Amen. Je ne peux pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voulez qu'on soit avec tout cela, on laisse comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, mais je te laisse arrêter. Non, mais je te laisse arrêter. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Pas de parler des prières. Soyez libre. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance qui est disposée pour délivrer ton peuple ici et ailleurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baisse-la. Oh. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parlais de sang aujourd'hui, je dis ça monte, ça descend. Vous savez de quoi je parlais? Donc attention aux fluctuations de glycémie. Attends, c'est que si vous faites un mouvement, si ça avance à un niveau, vous allez faire un petit, même un petit geste que vous faites, c'est la fatigue. Fatigue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, j'ai dit qu'on priait pour le Cameroun. C'est déjà entendu l'hymne national chanter. Après ceci, après ces choses, j'ai entendu l'hymne national chanter. Mais ça n'a pas chanté. Ce qui est remarqué, c'est que ça n'a pas chanté comme on chante du début jusqu'à la fin. C'est comme si on a pu l'oublier. Voilà, c'est le quoi on a fait le refrain. C'est ça qu'il a entendu. On ne s'est pas chanté normalement tout. Non, mais jusqu'à Nazareth. Quitte son dos maintenant, quitte son dos. Quitte son dos. Les gens veulent boire la bouillie pour rentrer. Quitte son dos. On ne veut pas boire la bouillie pour rentrer parce que vous êtes fatigué, ce qu'il dort. Quitte son dos. Tu es décès pour les seins. Quitte son dos. C'est ça, en fait, il faut contacter le celui de la chambre. Quitte son dos. Donc cette chose est entrée et ça a été le caractère. Donc c'est désormais son caractère. C'est le caractère de cette être aussi peut-être elle femme. Donc si elle agit, vous pensez que c'est elle qui a agi, mais c'est le caractère de cette. C'est une autre personnalité. Mais la question que je pose ce soir au sortir d'ici, c'est pouvons-nous comprendre la nécessité de maintenir la délivrance? Quand il dit de maintenir la délivrance, c'est-à-dire que maintenant que je suis libre. Il faut que je garde les portes afin que les choses ne reviennent plus graves. C'est la plus dangereuse des choses là-bas. D'accord, ça veut dire ça va maintenir la délivrance, ça doit maintenir la victoire. Vous savez, une fois où quand les deux orientales jouaient, la partie la plus dangereuse c'est quand eux marquaient. Quand ils marquaient, le temps qu'ils jubilaient, on égalisait. Vous avez marqué cela, n'est-ce pas? Donc il fallait qu'ils se travaillent dans la stratégie, comment maintenir, quand ils marquent, comment maintenir, pourquoi on ne marque pas ici. Donc ils couraient eux chaque fois que de l'égalisation. Donc ils sont forts pour égaliser, ils ne sont pas pour marquer et maintenir. Donc de la même façon, si on avance jusqu'au niveau de là où on est délivré, nous avons un rôle à jouer. Dans Jean chapitre 5, verset 14, quand le Seigneur Jésus a délivré cet homme-là qui était depuis presque 38 ans alité, il a trouvé verset 14, il a dit, depuis il le trouvé encore dans le temps, il dit, maintenant que tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive rien de pire. Donc ça veut dire, si la personne se commet encore le péché, c'est qu'il a fait 38 ans là, va venir plus pire. Jésus l'a déjà mis en garde. Donc il va prendre sa vie en conséquence. D'accord? Mm-hmm. Donc quand vous êtes délivré, vous devez marcher dans la sainteté. Parce qu'il n'y a rien que l'impurité qui fait. Enfin, quand vous comprenez impurité, ça fait automatiquement venir les esprits impurs. D'accord? Les démons ne manquent pas la sanctification parce qu'ils sont appelés impurs, esprits impurs. C'est normal qu'ils soient dans l'impurité. Nous sommes des enfants de Dieu très haut, des enfants du Saint, du Dieu Saint, du Père éternel qui est Saint. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sainteté. Donc, tout le temps avec quelqu'un dit que si tu as obtenu quelque chose de Dieu, garde cette chose. Si tu as obtenu quelque chose de Dieu, garde cette chose. Plus grave encore la délivrance. Quand vous avez le temps, lisez Matthieu chapitre 12, verset 45 et suivant, d'accord? Matthieu chapitre 12, verset 45 jusqu'au 47. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est tombé maintenant en guédant? Qui est maintenant? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé maintenant. C'est terminé. C'est terminé. Et ne regarde plus. Matthieu chapitre 12, verset 45 et suivant. Qu'est-ce que ça dit là? Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'ils établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Regarde, parce que c'est 40 ans qu'on comprend le point de question, on dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, oui. Il va par les lieux arides, oui. Cherchant du repos, oui. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oui. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Oui. Ils entrent dans la maison, s'ils établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de subir une délivrance si vous n'avez pas maintenu la porte fermée. Mm-hmm. C'est ce que ça signifie. Mm-hmm. Donc, si tu subis une délivrance, tu as un rôle à jouer de maintenir la porte fermée. Il a dit que cet esprit-là est venu tenter encore. Donc, il y a une tentation de revenir. Mm-hmm. Et il dit, quand il regarde que la maison est vide. Pourquoi la maison est vide? Parce que lorsqu'on est délivré, on doit être gouverné et administré par la parole du Seigneur. Mm-hmm. Donc, c'est on doit être rempli par la parole du Seigneur. C'est notre rôle là-dedans. Parce que c'est ça qui est le bouclier. La parole de l'esprit, avec le temple étant tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est ça, avec ça. La parole de Dieu est vivante, il n'y a plus de tranchant qu'aucune peut à double tranchant. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que si quelqu'un est délivré, il doit passer le temps dans la parole. En premier lieu. Pour lui, même s'il ne comprend pas, il doit avoir l'esprit Saint-Esprit le guider pour le remplir. C'est un peu comme prenez la nourriture, manger. Quand vous mangez la nourriture, vous ne prenez pas la nourriture, vous dites qu'il y a les arachides ici, il y a les lipides. Il y a le légume ici, donc il y a le limpide. Il y a le sujet ici, donc il y a le cupide. Vous pouvez faire ce qu'il y a. C'est ça, n'est-ce pas? Quand vous sentez l'odeur, vous êtes seulement prêt pour manger, non? Quand vous mangez, vous dites, ah, après vous accompagnez avec un jus, ou bien avec de l'eau, pas vrai? Vous faites, ah, le résultat, c'est sur votre jour. Quand vous sentez, vous dites, wow, tu prends le poids, et que ma femme me fait le bon dolet. C'est pas ça, frère. Donc, malgré que vous avez mangé le dolet, sans savoir ce qui contenait, le résultat est sur vous. De la même façon, quand vous lisez la parole, même si vous ne comprenez pas, lisez seulement. Ce n'est pas pour votre chair, c'est pour votre âme. Amen. Et toi, d'accord? Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Lorsqu'on va commencer à prier, parler contre l'esprit de l'impudicité et pour délivrer ceux qui en sont dans cette captivité-là, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Comment ils mettent des pièges, les petits pièges qu'ils mettent pour retomber une fois en vrai, vous êtes encore revenu dans la même chose et que vous entriez en plein pied dedans. Si on voyait les gens tomber dans la pornographie, ils reviennent dans l'impudicité, ils reviennent, ils disent qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on n'a pas compris ces choses-ci. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je crois que ce sont les femmes qui suivent les choses là. Les femmes qui suivent les choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous bénisse. Amen. Une fois de plus, amen. Entendez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette voix-là est destinée à qui de joie? Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on est à la fin de la patientée, on va manger le béni, on va se connaître. Et j'ai pris donc le Seigneur, qui s'est manifesté, si vous dites, jusqu'à ce qu'on se rencontre encore, je dis, qu'il vous préserve de toutes les chutes, tous les pièges de l'ennemi. Si vous avez pu passer quelque part et que l'ennemi a planté un peu, que Dieu passe devant de vous et vous laisse. Faites-lui confiance dans toute votre marche. Faites-lui confiance quand vous sortez, quand vous rentrez. Quand vous rentrez, remerciez-le. Quand vous réveillez, remerciez-le, parce que ce n'est pas par votre porte qu'il vous sortit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai tenté de parler de ton cas et parler de ces choses-ci, ces choses qu'on met, ça absorbe le sang et puis on fait quelque chose avec, d'accord? Donc, dans le passé, si on est regardé, tu n'as pas à être prise et aller quelque part. Donc, faites attention. Vous, les femmes qui exposez vos cités, pourquoi on voit que vous avez les strings là? Comme ça, quand tu prises une nuit, pourquoi tu as dans ce tu vas te parler. Ceux qui ont suivi la délivrance ici, quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez des conséquences sur votre corps physique. Vous aurez les conséquences sur votre corps physique. Donc, vous pourrez sentir les fatigues comme si on devait taper le bâton. Vous savez, quand vous faites longtemps sans faire le sport, vous allez ressentir ce style de choses. Ne vous invitez pas, ça va passer. Prenez seulement un bon don en disant merci au Seigneur en chantant les cantiques. D'accord? Mais plutôt pour toi, j'ai encore ton caleçon. Donc, il faut que ces choses soient décantées. J'ai voulu avancer vers toi pour faire n'importe comment. Il dit il faut que tu parles toujours de quoi il est question ici avant qu'on avance. Sinon, tu vas voir la vieille mère ce soir. C'est bien qui vient à la malle. Ce que ça lui dit, c'est que même si il veut veiller ce soir, c'est nous. À l'instant, ton nez va se préparer une seconde, elle va se présenter. Moi je dis je veille. Fais un peu comme ton haut, tu vas voir. Oui, non, ici, hein. Même si toi, on n'a pas du tout, protège mon endroit. Lève-toi, madame. Aide-la, c'est bon. Voilà, il y a un état là. Viens parler ici. Fais la soirée. Fais parler toi, mon cher. Raconte-nous ce qui s'est passé. Un songe que j'ai. Oui. Ça concernait ce soir. Ah, vous trouvez le songe concernant ce soir-ci? Dans le songe, je passais. Oui. Je suis arrivé dans une église. Quoi. Oui. C'était une église. Oui. Je comprends, il y a un morceau de petit pays qui dit que les pédés qui chantaient à l'église. Ah. Tu vas se dire, comment. À l'église, on chante le morceau de petit pays comme ça. Sûrement quand je suis comme ça rentré de l'église l'église pour guetter, pour voir ceux qui sont à l'intérieur. Je comprends au moins quelqu'un marche derrière moi. Je me tourne et vois que c'est une femme. Donc elle a la vie noire. Oui. Quand elle me tourne maintenant, elle venait tout droit sur moi comme ça là. Elle me tourne comme ça là. Dès qu'elle arrive comme ça, elle dit au nom de Jésus-Christ, elle tombe, elle s'enroule, Dieu prie au nom de Jésus-Christ. Elle me dit que. Tu veux quoi? Il dit que la seule chose que je veux que l'église de mon père soit propre. Ah! Pour ça, pour Christ Victoire. Quand il a dit ça, je dis quand même, monsieur le ministre. Donc, tu sais pas, pour nous, l'église, c'est sur toi. Donc, là, comme tu vois que l'église de ton père est propre, n'est-ce pas? Il a dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère. Par rapport au serpent. Oui. Je suis en train de. Je vois quelque chose parce que. Oh, on va rester ici. Si on va le tuer. J'étais donc que ma fille, oui. C'est la troisième. Oui. Quand elle est née, elle avait toujours tendance à manger la terre. Oui. Comme le serpent. En fait. Oui. Et également dans la nuit, elle ça dit qu'elle est toujours en train de. De combat, dans lequel elle est toujours en train de crier et tout et tout. Et en plus, que même mon épouse aussi. Une fois, on était avec des frères avant, on se réunit, tu veux comprendre, comme ça, on a commencé. Pourquoi il parle doucement? Il ne va pas se faire mal d'enfant. Bon. Donc, moi, j'ai crié ce soir, c'est toi qui as répondu le chat à la gorge. Tu as crié ce soir, si frère. Non, frère. Tu sais, donc, on était en train de prier avant. Et c'est comme ça qu'elle a commencé elle a commencé à faire un peu bon, comme c'est la question que j'ai posée, c'est ceci. Quel est ce serpent qu'on voit écrit sur ses chats? C'est la question que j'ai posée. Donc, on va aller du côté de ça, on va résoudre ça là-bas, d'accord, frère? Mm-hmm. Donc, on va aller au centre. C'est pas pour ça qu'il m'attend maintenant. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Et, si ne faut pas, c'est pas toi, tu fais. Rappelle-toi, tu fais le bisou, non? Je vais venir avec moi. Ok. Permettez-moi de vous saluer encore. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce, vous bénisse et que sa puissance demeure sur vous. Amen. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très gentil. Normalement, en principe, tu n'as plus de problème. Donc, le problème qu'on prend, tout ce qu'on peut ici, je ne s'en dépenser même pas. Tu sais, c'est pour la sueur. Je suis votre frère, pas vrai? N'ayez pas peur de moi, je suis votre frère. Amen. Amen. Je suis votre frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Baissons la tête, prions, frère. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, d'accord? Remercions le Seigneur. Tendre Père, tu manifestes toujours ta grâce, tu manifestes toujours ta puissance au milieu de tes enfants, car tu étends toujours ton bras puissant pour délivrer tous ceux qui sont dans la captivité. Il est écrit au Dieu de gloire que dans le ministère de la grâce, tu es venu pour libérer ceux qui étaient prisonniers. Pour la rendre libre les captifs. Et nous voyons effectivement au Dieu de gloire que tu as encore cette puissance à l'église qui fait la même chose. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui ont participé à ces choses-ci, au Dieu de gloire, à cette visitation de toi. Et garde au Dieu de gloire par ta grâce la visitation. Je prie pour ceux qui nous écoutent maintenant, pour tous ceux qui sont connectés là, qui nous écoutent maintenant, Père de gloire, qui soient touchés par cet esprit, qui soient au Dieu de gloire dans la même portion au nom de Jésus de Nazareth. Préserve les dieux de gloire du malheur. Préserve tous ceux qui sont ici, Père de gloire du malheur. Préserve les surtout de la tentation. Préserve les autres de gloire du doute. Et qu'ils ne tombent plus dans ces mêmes choses, Père de gloire. Mais qu'ils puissent maintenir ta délivrance. Que tu leur accordes au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu soit puissante dans leur bouche. Et que ton nom aide la manifestation dans leur bouche. Au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Je te recommande entre tes mains. Je recommande chaque âme ici, chaque âme qui nous écoute dans le monde entier, Père de gloire, entre tes mains. Je recommande tous entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, guide-le, Père de gloire, vers ton amour, guide-le, Père de gloire, dans leur direction, chacun dans sa portion, afin que tous les jours de leur vie, ils te servent. Pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux et qui ont des collègues qui sont des sorciers, Père, je prie que tu te manifestes à chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les couvres, afin que toute tentative, Père de gloire, de leur faire du mal dans le spirituel soit, au Dieu de gloire, tombe par un échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui sortent de l'église, quels que soient les pièges démoniaux, que toi-même, mon Dieu, tu manges devant toi et tu écartes ces pièges au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par les yeux, toutes choses, Père, donne-leur ton amour. Qu'ils t'aiment de façon irrévocable. Amen. Et qu'ils vivent une vie saine qui te plaît. Amen. Qu'ils soient agréés par toi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aider pas me nettoyer. Que Dieu vous bénisse. Donc, quoi que c'est le service de la cuisine maintenant.